Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans la saison numéro 17 de Radio Stoub. La seule émission sponsorisée par un club. Quel lui crache dessus. Bienvenue, j'en perds mes mots. Radio Stoub de crise. On est dans la War Room. JP Darky en visio depuis le Haut-Karabakh. Allez, Blourg à la famille, la commu, Blourg à tous. Blourg à toi, Kittel, et là, ça fait longtemps que je... Vacances, rien à faire du tout, je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, je vis tout, plus rien à faire du tout, je m'envoie en l'air, ça c'est super. Ouais, j'avais noté la précédente, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le bilan. Et je pense que le bilan de cette année est encore plus tragédique. Tragédie. Radio Nostalgie. Radio Nostalgie. Calcio est là aussi. On est un petit peu comme ça, vous êtes loin, vous. À tort, oui, et bon. Toujours là. Déprimé. Eh bien écoute, ça ne va pas s'arranger avec cette émission. Bon, ça va mieux, t'es plus sous morphine. Je suis plus sous morphine depuis un moment, malheureusement. Parfait, ça va reprendre, effectivement. Ils vont du tramadol à la sortie de l'entraînement, c'est exactement, exactement, avec des livraisons, on s'arrange, Canal Télégramme. J'ai remarqué les dernières émissions où j'étais pas là. Et vos hôtes, monsieur Gugus, n'ont pas cette habitude de ne pas vous présenter. Et je trouve ça assez. Non, je trouve ça assez maladroit. Donc je voudrais prendre cette initiative, si vous me le permettez. Tu sais que c'est pas le moment de prendre l'initiative dans une entreprise en pleine structuration, mais vas-y. C'est vrai. Donc il est là avec nous ce soir. J'ai déjà cité son nom, vous l'avez déjà entendu. C'est notre guide. C'est notre lumière au bout du tunnel, c'est notre gourou. Notre directeur technique. Tout à fait. Et notre verre au-dessus du plafond. Exact. Notre miroir... aux alouettes déformant. Tout à fait, notre miroir déformant et aux alouettes. Mais bien sûr, c'est qui? C'est MC Gilles. Si c'est un jeune anglais de moins de 23 ans qui présente la prochaine émission, je ne serais pas surpris. Parabole sur Patrick Vieira. Patrick Vieira, petit ange parti trop tôt. Gros ange, hein. Petit ange trapu, disons. Petit ange trapu. Ouais, ouais. Bon, trapu d'un 92. Ouais. Il avait pris un peu du speck. Hein, ouais, mais il mange bien. Patoche à jamais. Patoche. C'était la chrysalide Patoche qui était jamais arrivé jusqu'au stade Patoche. Bah oui, écrasé du talon par. Fauché comme un lapin. Par le plan. On aurait dit Thierry Roland. Le projet. Donc, un jeudi après-midi en plein été. La date, à tort, tu l'as. Le 18 juillet par un communiqué à 14h30. En plein Tour de France. En pleine étape du Tour de France. C'est ça que c'est con, on dirait un générique, c'est hyper sensible. Il a fait le ravito. Nous sommes le 18 juillet, 14h30. La France écrasée sous la chaleur. Reprend un cône en regardant sa tête. Et c'est échappé de carapace. Et c'est les gens qui ne respectent rien. Ce sont les téléscripteurs. La dépêche tombe. Le communiqué qui annonce une séparation d'un commun accord entre le Racing et Patrick Vieira. Un divorce avec les torts partagés. Patrick Vieira prend le temps de la réflexion, il fait un beau communiqué avec des marges. On va appeler, c'est mieux avec les marges. Ouais, j'ai appris ça. En disant le futur, c'est vous. Ouais, le futur. Alors on peut l'interpréter comme on veut. Mais... c'est un appel à l'insurrection. Moi je le prends comme ça. C'est relativement jésuitique. Ouais, moi je suis fou dans Hunger Games, tu vois. Genre avec J.P.R. Laurence, là, qui s'y va. Est-ce que c'est ce communiqué où il dit le temps des explications viendra plus tard ou ce n'est pas maintenant le temps des explications? Oui, oui, c'est ça. Pour dire ça va l'heure chier. L'heure n'est pas encore aux explications. Ouais, ça va chier dans 3 mois. Ouais, ça va toujours pas chier, quoi. C'est pas le style, Patrick. Ouais, il y a peut-être une clause de confidentialité aussi. Comme un accord. Genre la même clause. Il y a une clause de l'or. Keller a sucé des glaçons depuis un an et demi. Des gros glaçons, super très gros. Donc, disparition de Patoche. Alors, le sentiment général est mitigé. On va dire, c'est un petit peu comme quand on a appris que Yvan Attal n'était plus Premier ministre. Gabriel Attal. Hein. Oh ouais, c'est pareil, on s'en fout. Ouais. Je couche pas avec Charles Gaulle. C'est pas une émission politique. On vous voit venir avec vos raccourcis, Attal, tout ça. Là, c'est la même chose. On vous voit venir. Mais si. Si on reste un peu dans les faits, après on a. Mais là, c'est des faits, là. C'est... Oui. Après coup, on a appris que ça, c'était une décision, une des premières décisions de notre ami dont on a cité le nom la dernière fois, Pascal de Maschalk, donc le Belge directeur technique qui devient un peu le nouvel homme fort du club au niveau sportif. Tu peux redire son nom ? Pascal de Maschalk. Merci. Je vais l'appeler Pascal, hein, parce que. Pagalou, comme la dernière fois. Donc c'était sa première décision en termes d'un audit. En fait, a priori, il a juste regardé un peu les matchs et il a dit. C'est ça. Ah ben déjà, on peut revenir sur cette escroquerie parce que j'ai audit. Il y a des gens qui ont fait des audits. Bon, c'est quand même t'es censé bosser un peu. Tu bouffes du tabac, tu calcules des taux de marge. T'es censé emmagasiner beaucoup d'informations. Ah, mais c'est pas des gens qui se font infliger 17 matchs. Hein, quelques uns à la télé. Hein. Nous, on a fait un audit. Et puis c'est un audit, travailler, tout ça. Mais t'avais pas besoin de faire 17 matchs pour faire ton audit. Non, c'est sûr. Non, moi j'ai toujours... Quand c'est de la merde, tu le sais à la première bouchée. Moi j'ai toujours eu l'espoir. Mais bon. Mais du coup, oui, c'est la première décision de Pascal de Maschalk. Apparemment, encore une fois, mais je crois que c'était dans l'article de l'équipe, Marc Keller n'a pas vraiment eu son mot à dire. Parce qu'en fait, Quoi? En fait, on se souvient que finalement, le recrutement de Patrick Vieira à l'époque, ça semblait une décision de Marc Keller. Et à l'époque, il disait, on cherchait quelqu'un d'expérience avec une connaissance de la Ligue 1, qui est anglophone. Je ne sais pas si c'était ça exactement. Terme. Critère, non, mais en fait, il disait quelqu'un d'expérience, de reconnu, qui connaît le championnat de France. Et qui fasse bosser les jeunes. C'était bien joué de la part de Marc Keller de proposer Patrick Vieira dans le truc. Genre, il se fait racheter par les Américains. Il dit, tiens, je leur colle un mec, il joue à City, il est champion 98, il parle anglais, il est grand. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que là, le portrait robot qui avait été fait il y a un an pour justifier le recrutement de Patrick Vieira par Marc Keller. On le verra tout à l'heure. Déjà, on voit bien que c'est plutôt la même chose. Et que Marc Keller, finalement, c'était pas forcément sa décision de séparer Vieira. Non, mais surtout, on est Racing Club de Strasbourg. On a quand même un certain track record en termes de n'importe quoi quand il s'agit de virer des coachs. Mais ça, on l'avait jamais fait. Ça, virer un coach pendant la préparation. Oui. C'est jamais fait? Non, c'est jamais fait. On peut chercher. Après la Coupe de Ligue. Est-ce que le premier match de la Coupe de la Ligue compte comme une préparation? Non, pas du tout. Bah non, il y a le Châteauroux. Il y a le Châteauroux. Le château. Non, non, mais bien, mais ça, c'est du jamais vu. Quand Papin se fait sauter, Furlan arrive, c'est quand c'est juste. Non, c'est à l'intersaison. C'est à l'intersaison. Ouais. C'est juste après leur village de sac à Ibiza. Ça, à la limite, ça, c'est un truc qu'on connaît, tu vois. Genre, c'est la fin de saison, bon. Entre temps, il y a eu la crebranche et tout. Je sais pas. Et d'ailleurs, on peut parler de la préparation ou pas? C'est quoi cette semaine de vacances? Non, mais c'est après, c'est après. Ouais, pardon. Ça, c'est Patoche qui l'avait programmé. On a passé une heure à faire un sommaire, donc on va. Ouais, ouais, vous avez raison, ouais. Mais du coup, voilà. Et, donc Patrick Vieira, je sais pas si on fait un petit bilan ou si on parle aussi des adjoints qui ont sauté. Non, on peut faire un petit bilan. Enfin, le bilan, on l'a fait. À part le mec là où il y a du crusty, on s'en fout. Mais, Eric, il est parti, il a des missions sur Amazon, à Kramzy. Ah oui. Ah, Paul Levin, mais lui, il était déjà parti. Ouais, il était déjà parti. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est, bon, il y a Christian Wilson qui est parti. Lui, il était lié à Patrick Vieira. Depuis Nice. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même Reginald Rey, qui avait été recruté à la demande de Patrick Vieira, juste, voilà, avant la saison. Remplacé Paul Levin. Voilà. Et lui, bah, il saute aussi, en fait. Ça montre vraiment toute la préparation du truc. Un mois avant, on recrute un adjoint pour, à la demande de Patrick Vieira. Et, enfin, il fait son staff pour lui. À part l'entraîneur des gardiens, mais ça, on avait déjà expliqué la dernière fois. Et un mois après, bah, subitement, après le fameux audit de Pascal, on vire également Reginald Rey. Mais il est parti une semaine en Autriche gratos. Oui. voilà. Attends, mais Reginald Rey, il a un CDD. Oui, il avait un CDD, donc il avait une période d'essai, de toute façon. Bah, c'était un mois, ouais. Parce que ça tient... Ah, les charades. Ah, je pense qu'ils ont attendu, ils n'ont pas attendu à la fin de la période d'essai. Quoi. Sinon, ils lui doivent l'année, quoi. Bon, bah, ouais. Ce qu'on peut dire. Ce serait bien. C'est que c'est le bordel. Avant de faire le. Mais c'est en fait, c'est une décision brutale. Avant de faire le bilan de Patrick, c'est qu'effectivement, cette décision et ce truc était très brutal. Le mec arrive au bout d'une semaine, il dit ça va pas du tout. On va faire comme moi je dis. Ce que vous faisiez avant, c'est de la merde. Ouais. Typique un petit peu de ce qu'on peut connaître en monde de l'entreprise rachetée par les Américains. Donc, bilan Patrick, avant de passer... Il y avait aussi une rumeur Team USA Soccer. Oui, ouais, qui a rien donné. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais une semaine avant, le vendredi, donc Vieira a sauté le jeudi. Le vendredi, j'ai tondu le gazon chez ma mère. Et il y avait eu la première rumeur Vieira sur la shortlist, etc. Et j'avais un peu, en tondant le gazon... Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire sur le bilan de Vieira? Ah ben là, Et jeudi après, comme par hasard, franchement. Mais du coup, il a beaucoup plu et il a été obligé de retondu. Et là, j'avais plus d'inspiration parce que le bilan de Vieira, bah, je sais pas, c'est un petit peu difficile. Non, mais en fait, c'est ça qui est assez. Pas grand-chose comme acquis. Parce que finalement, rien que ça aurait pu être une déflagration assez importante dans le Racing d'avant. Quand même, on vire le coach en pleine préparation. Et finalement, ça a provoqué assez peu de réactions. C'est-à-dire qu'il y a eu un mélange entre ceux qui disaient « Ouais, de toute façon, il était nul, ça sert à rien, allez, on le dégage. » Comme on a dit qu'on était nul, on doit être content qu'il dégage. Ouais, c'est ça. Évidemment, ça dénote un niveau de... d'amateurisme. Parce que si l'audit, c'est de vérifier le niveau de jeu et les progrès tactiques et le progrès, enfin, on le savait dès la fin de saison. Le mec marque... Pascal lui, il a juste. Nous, on est la team de Messmecker. Il a commencé il n'y a pas longtemps. En fait, il était annoncé cet été et il devait faire sa période. Il devait signer les contrats d'abord. Non, il est allé chez Dupuis. Non, en fait, il a démissionné de son poste à Monaco et t'as donc la période quand tu démissionnes. Il n'y avait pas le droit. Putain, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai démissionné plusieurs fois. Préavis, merci. Il a fait son préavis à Monaco et il est arrivé seulement début juillet à Strasbourg. Voilà, donc de là à dire qu'il a été embauché pour virer Vieira. Aussi, ce qu'on peut poser. J'ai bien un peu de fichier. Est-ce que Vieira était suffisamment docile par rapport à la politique sportive qui va être mise en place et qui va être accélérée encore? Alors déjà, deux choses. Pendant toute la saison, c'était quand même. Le gars, pas de vague, quoi. Ah non, il a fait 2-3 phrases, dont une reprise par la Tribune Ouest en banderole. Ouais, mais je pense que c'était involontaire, en fait. Je pense qu'il a dit ça. Il l'a dit au premier degré, sans se douter que ça allait être. Vous avez sûrement raison, non, on n'en sait rien. Mais sa communication était tellement lénifiante. Il disait des conneries et des fois. Il y a un truc où il dit en fait le fond ce qu'il pense. Ouais, en foot il est nul, mais je me suis dit que là peut-être que quand même il. Bah, j'en sais rien, on n'est pas dans sa tête. Mais il essaye de dire sans dire. Ouais. Bon, mais on ne sait pas non plus ce qui lui a été dit au moment du recrutement. Hein. Oui. Bon, voilà. vu les phrases qu'il lâchait à la fin, on peut quand même s'interroger sur. Moi, je pense qu'il. Moi, mon. Alors, deux choses déjà. La première, c'est on est tous d'accord, je pense, autour de cette table pour dire qu'il a été viré. Parce qu'il y a encore des gens qui étaient sur l'histoire, genre, oui, il est parti. J'y crois pas. Ça lui va, donc on est. Je pense qu'on est. Je pense que s'il était parti, il serait parti avant. Voilà, c'est ça. Donc là, on est d'accord pour dire qu'il s'est fait virer, ce qui dénote à la fois le fait que lui était prêt à rempiler, alors peut-être un peu contraint et forcé, parce qu'il avait un contrat. Et... Bah, il faut qu'il mange aussi, hein. Bah, oui, c'est ça, le pauvre, ouais, bah, vu ce qu'il mange. Attends, ouais. Pas de grossophobie. Oh, je fais ce que je veux. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, il a été viré. Et deuxièmement, ça dénote une espèce d'impréparation, puisque derrière, on habille vaguement le truc. Il faut 10 jours pour trouver un successeur. Et ça passe comme une lettre à la poste. Tout le monde est anesthésié. Et ce côté, genre, cette quintessence du bordel, finalement, c'est devenu un acquis, là, depuis un an. Parce que Jean-Marc Hunes fait 3 entraînements sans adjoint, sans rien, en pleine préparation. C'est, c'est l'adjoint qui devient numéro 1. Non, mais... il a plus d'adjoint. Oui, non, mais ça monte à l'impréparation. Enfin, pendant 3 jours, ils ont. Ils ont mis de laine, ils lui ont donné un sifflet et un chronomètre pour faire l'adjoint. C'est un peu ça, ouais. Alors que la préparation, on sait que c'est hyper important de la rater pour faire un bon début de saison. Ouais, c'est ce que disait JBLS. On l'a déjà fait assez souvent. Bah ouais, justement, au niveau préparation, l'année dernière, on était bon physiquement. Je sais pas s'il y aura un impact, le fait d'avoir eu un peu une semaine de... On en parle après. Sachant qu'il y a eu encore une semaine aussi de congé qui a été octroyé par avance, qui était un peu un pari, ou je sais pas d'où ça c'est sortait. Quoi, ça n'a jamais existé. Tout à coup, hop, une semaine. Ouais. Parce qu'il faut parler du... Ouais, non, le bilan de Patrick Vieira, on va dire. Ouais, justement, Patoche. Très mitigé. Très mitigé. On était tous à la Fédé quand on l'a. Oui, même moi. Toi aussi ? Ouais, même moi. C'était fou. Ah, et je me rappelle, je trottis en sortant qu'il disait bon, il y a quand même pas mal de fautes de français, ou discours un peu creux. Enfin, c'est ce qu'on disait tous. Il a passé la moitié de sa vie dans un univers anglophone. Donc, voilà, oui, non, mais c'est voilà, je le reproche pas, mais. C'était creux à mort, et même si vous lui avez posé des questions. Un peu précise, et il enrobait ça de la guimauve molle. Et il était sympatoche, voilà. Après, il était accessible. Après, ce qu'il pouvait faire difficilement mieux, vu l'effectif qu'il avait, j'en suis pas persuadé. Hein. Finalement, il est 13e, on a presque pas tremblé. Hein. Mais oui, mais ça, c'est paradoxal, mais je suis d'accord. Alors que je pense qu'il avait l'effectif le plus faible depuis un bon moment. Hein, ah oui, c'est aussi un peu réduit, même si il ne l'a pas choisi, forcément, de ne pas pouvoir compter sur Percy Chaoulou, aussi mauvais qu'il puisse être. Et il perd Bellegarde après 4 ans. Il perd Bellegarde, il perd son gardien au milieu de la saison. Hein, ça, c'est des choses qu'il a subies, je suis d'accord, mais au début, il a voulu faire table rase, et finalement, il s'est remis dans les pantoufles de Stéphane qui sont celles de Loré, qui sont un petit peu vieilles. Tu retournes au 3-5-2. Encore une fois, je suis pas sûr qu'un Angelo, il est tant désiré que ça. Hein. Bah, il s'est dit, je vais le mettre parce que j'ai personne d'autre. Voilà, oui, c'est ça. On lui a peut-être dit aussi de le mettre. Ouais. Non, c'est juste que l'effectif était constitué pour qu'il n'y ait personne d'autre. Mais je pense que Vieira, mais quelque part, je pense presque Keller aussi, il avait pressenti l'orientation qui serait donnée. Et je pense que pour cette orientation, dans une certaine mesure, il était d'accord. Ok, je dois me relancer après une expérience mitigée. Mais je pense qu'au cours de l'automne, comme un peu tout le monde, il en a découvert la radicalité. Et effectivement, la radicalité dans le fait de faire jouer des mecs comme Angelo, qui était absolument pas prêt, d'avoir dégagé Bellegarde de Mercato, parle même pas de Cels. Et donc, je pense que lui était de plus en plus désabusé. Quelque part, on peut aussi réconcilier les deux théories en disant clairement c'est le Racing qui l'a viré, mais lui il était aussi pas non plus, je pense qu'il s'est pas défendu comme un malade, il a attendu de se faire virer, il a récupéré le choc. Mais en même temps, il faut se rendre compte que Vieira a joué en 4-3-3 une bonne partie de la saison, il avait deux ailiers dans son effectif. Ouais. Toujours et pas d'avant-centre. Voilà, il avait Bakoa et Angelo quand même, hein. Angelo qui n'était absolument pas prêt pour la Ligue 1, on va toujours en reparler. Mais je veux dire, il joue dans une formation de. Mais sans milieu de terrain. Avec Doucouré, Manga au milieu. Voilà, il n'y a pas d'ailier. Il a bricolé, ça. Je veux dire, ça dénote quand même, à mon avis, des relations entre le coach et puis l'équipe de direction. Et en plus, il a eu aucun renfort. autre que les pépites qu'on nous prêtait. Oui. On suivait depuis 10 ans. Mais on a essayé de lui expliquer que Diarra pouvait jouer ailier, mais voilà. Il a mis Diarra à toutes les sauces. Bon, ouais. On a fini avec Delaine, comme fait un match 2 avec Delaine et Milo. Pour clore le chapitre patoche. Bref, il y a... Je vais juste dire quand même, avec un effectif, un des plus pourris qu'on ait jamais eu de l'univers, avec Patoche qui a probablement un niveau qui fait partie des niveaux les plus faibles de l'univers, je pense qu'en 2001 on terminait pas 18e, ouais. On terminait 24e dans un championnat 18. L'effectif 2001 était pire. Ouais, mais ouais, je sais pas. Mais en tout cas le niveau de la D1 était meilleur, je trouve. Donc c'est dingue qu'on soit 13e et je pense voilà, on est content, mais je suis pas sûr que Patoche y soit pour quoi que ce soit. Les autres, ils sont pour beaucoup. Je pense que c'est un peu l'acquis aussi de fait d'avoir eu 7-8 saisons avant en D1, parce que les clubs qui arrivent sont forcément moins rodés ou moins de joueurs expérimentés à ce niveau-là. Un bilan entre eux. En parlant de joueurs expérimentés. Bref, il n'y a rien à retenir au niveau. Il n'y a aucun acquis. Non, que l'air 1 Blouko. Ah, c'est une année blanche. On va dire que, genre, je permets une comparaison fantasque. Patrick Vieira, c'est un peu le Jean-Pierre Papin des années 2020. Des années voilà, c'était un nom et il avait un effectif. Voilà, il a rempli la mission sans plus, sans moins. Il est parti avec perte et fracas. Voilà. Je pense que Patrick Vieira était plus sympathique que Jean-Pierre Papin, hein, par contre. Mais il est parti. Et comme dit, ça n'a pas créé d'onde de choc parce que. Finalement, on se dit que autant sportivement que le reste, il manquera plus ou moins écrit, plus ou moins. Voilà, il manquera à personne. Malheureusement, à personne. Il était nul. Il était sympathique, c'est déjà ça. Oui, il était sympa. Je le trouvais sympathique. Oui. En parlant de personne sympathique, hop, Liam. Alors, Liam. William. Appelons-le William. Guillaume Rosenior. Monseigneur. Il est l'or. Voilà, le nouveau coach. Alors, on va passer un peu les rumeurs. Il a serré des mains. En termes de communication, c'est le jour et la nuit par rapport à Patrick Vieira. Ouais. Une excellente communication, Rosenior. Ah, c'est pour ça que Vieira, on était sous le charme. Il parle mieux français quand même. Par exemple, Vieira. Il parle mieux français que Vieira. Je sais pas si vous avez remarqué, ne met pas de lunettes quand il répond à une interview. Rosenior, Monseigneur, met des lunettes. Ça donne l'air intelligent. Alors que quand il a 40 ans, il a 40 ans. Et après, il dit consonne, voyelle. Donc, ancien joueur baroudeur du football, joueur entraîneur, puis entraîneur à Hull City, un obscur club de Championship. Très mal famé. Très mal famé, qui est uniquement connu parce que de nombreux supporters de Racing et Stoubis sont allés s'entraîner là-bas. Ça date de Montpellier, ça, en plus, non? Ça date de Montpellier et de l'Euro 2006 en Allemagne. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais donc, oui, les supporters de Hull étaient à Montpellier, le fameux Montpellier dont on ne parlera pas. Ils ont bien grillé sur la plage de Montpellier. Ouais. Hommage. petit ange parti trop tôt. Voilà. Alors, on va rester très... factuel. Ouais, factuel. Enfin, pas factuel, du coup, le contraire, plutôt sur le ressenti. Dans le ragot. Qu'est-ce que c'est votre ressenti? Il faut mettre de côté le fait que, le mec, c'est Adolf Hitler qui l'a placé à la tête du truc. Du passant là-dessus. Voilà. Le Gauleiter. Voilà. Ouais, non, mais il a fait des autoroutes, ils avaient des beaux uniformes. Voilà. C'est comme si tu conduis une Volkswagen, mais t'oublies qui c'est qui a. Tu parles juste de la voiture. De Rosenior, mon frère. Rosenior, ouais. Voilà. Moi, je le trouve sympathique aussi. Mais moi, je vieillis, je trouve tous les gens sympathiques. Parfait. En fait, il y a quand même un truc. C'est moi, ce qui me gêne, c'est il est potentiellement sympathique, mais c'est le fait d'orchestrer cette communication avec cette vidéo ridicule du gars qui tape dans les mains autour de la main courante. En fait, c'est de la mise en scène. Et ça montre à quel point on est obligé de se raccrocher à des trucs. Ça, alors, évidemment, les images sont beaucoup mieux faites qu'il y a 4, 5, 6 ans. On est d'accord, les gars là qui font les vidéos sont assez... C'est sûr qu'avec Loret, voir ce genre de scène... Loret était extrêmement sympathique. Oui, il n'aurait pas couru... Loret n'aurait pas... Effectivement, Loret, lui, ça n'est pas prêté au jeu. Mais Loret, pour ce que j'en sais, il avait une vraie convivialité qui était certes parfois un petit peu rugueuse avec les gars autour de la main courante. Mais qui était honnête. Qui était honnête, qui ressemblait plus à ce qu'on peut voir dans du foot de village, mais qui du coup se faisait... On n'avait pas besoin d'une caméra pour le montrer. Je vous trouve quand même injuste parce que si on avait filmé pour Loré, pour trouver un type, t'as nommé son bébé Thierry. En 2024, ça aurait été difficile. Si vous avez regardé la vidéo. Ah oui, parce que oui, non, mais c'est le début de Twitter. Il y a plusieurs des vidéos. Alors attention, il faut, pour les gens qui regardent pas les vidéos du Racing. Eh ben, ils ont trouvé une personne qui a nommé son bébé, mais probablement indépendamment. Avant, oui. Parce qu'il a 18 ans, donc du coup, c'est Liam. Peut-être Liam, peut-être Liam même, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il l'a nommé comme ça. Et donc, Rosellior va le voir. Il y avait une autre vidéo pour, une autre vidéo du club aussi, une interview de Rosellior, où il parlait un peu de sa philosophie de jeu, hein, puisque vraiment c'est en 2030. Mais il disait voilà, forcément c'est tous les concepts à la mode du pressing, de l'intensité, etc. Forcément, c'est des choses qui sont faites pour séduire. C'est le jeu moderne. C'est dommage qu'on ait plus Sissoko, hein, quand même. Ouais. Le jeu bien huilé et tout. Et finalement, ce qui est dit, c'est que c'est le jeu qui sera un peu le jeu du groupe Gluco, parce que Enzo Maresca à Chelsea. Il a la même philosophie de jeu. Donc, fils de la lune, ça lui fait pas peur. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quand même eu un micro état de grâce, c'est-à-dire que tu racontes n'importe quoi. Oui, mais vraiment n'importe quoi, tu sais. Et pendant deux jours, là, d'un coup, tout le monde a des étoiles dans les yeux, en disant le gars est trop sympa, il a trop compris au football et tout. Déjà adopté par le peuple alsacien. Mais bienvenue dans le monde de 2024 où les réseaux sociaux ont pris leur place, en fait. Complètement. Oui, non, mais je suis d'accord, effectivement. La photo. C'est sympa de se faire siffler parce qu'il est noir au premier match. La photo avant le match amical qui avait été posté avec Marc Keller et Rosellior là sur le banc, oui. Ouais. C'est magnifique, quoi. C'est les gens, ils font ah ouais, c'est un super entraîneur. Bah déjà, je me posais la question, est-ce qu'au moment de la signature du contrat, parce qu'ils ont aussi fait une photo, est-ce que Marc Keller découvrait Rosellior à ce moment-là? Il a conservé les mains. Parce que là-dessus, on est complètement d'accord, c'est pas du tout un choix de Marc Keller. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Rosellior, il avait connu Lawrence Stewart, il l'avait connu, je crois, à Hull d'ailleurs. Et il avait aussi connu Paul Brighton et Sam Gewell, deux autres dirigeants de Paul Winstanley. Paul Winstanley, pardon. Paul Winstanley et Sam Gewell à Brighton. En fait, c'est des connexions qui Club qui a été déjà entraîné par Brian Clough. D'accord. Oui, non, mais. Alors, un ressenti, donc plutôt. Bah, c'est difficile de dire. Mais il est sympa, après, est-ce que ça sera un bon coach? C'est déjà, c'est bien. Parce qu'il est sur le tableau, c'est sympa. Parce qu'il y a toujours, ce contexte-là. Il reprend un club qui connaît pas, une équipe qui connaît pas en milieu de préparation. Un championnat qui connaît pas. Il a jamais vu un match de Ligue 1, je parie. Bah, il a regardé les matchs de l'an dernier. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est tout le futur. Et il a quand même signé. C'est pour ça qu'il est devenu myope, en fait. C'est les larmes. Non, mais ce gars-là, spontanément, il s'est jamais assis devant un Lorient Bastia. T'as déjà regardé un match de Hull, toi? Oui, voilà, j'ai plus regardé de match de Hull, donc c'est pareil. Moi, j'ai regardé des matchs de Hull. Mais en fait, j'ai des lunettes. Mais t'étais quoi? Le côté choc culturel va quand même. Mais ils s'en foutent puisqu'ils veulent leur système pour la première ligue. À la limite, justement, pour la S'ils foutent un lama dans un parc de Lénine, ça les dérange pas. Parce que eux, ils ont le parc de lama, donc. Mais effectivement, il y a cette communication bien huilée, très anglo-saxonne, où le gars arrive, dit machin, la culture, la région, il a bien lu ses fiches. Qui, là-dessus, il faut bien reconnaître que l'entraîneur britannique moyen est quand même 2-3 tons au-dessus de son homologue français en survêt qui dit genre bloc équipe. Là, le gars, tu sais, il te fait un peu des trémolos, et en fait, tout le monde tombe dans le panneau à une vitesse. Il y en a très peu des entraîneurs anglais quand même. Hein. Ça s'exporte pas, et même en première ligue, t'en as pas. Même dire qu'il y en a trop. Et je crois que c'est parce qu'ils sont nuls, hein. Historiquement, les entraîneurs anglais, il y a juste Brian Clough qui est la référence. Mmh. Autrement, les entraîneurs britanniques qu'on a des résultats, c'est les Écossais. Anglais ou britanniques? Non, justement, je fais la distinction. Ouais, voilà. Clough, il était anglais. Clough était anglais, mais justement, je disais, le seul entraîneur anglais réputé, c'est Brian Clough. Et sinon, les entraîneurs britanniques, si t'élargis un peu, qui sont réputés, ouais, c'est des Écossais. Paisley, pas Greg. Je sais pas, il y a un mec qui s'appelle Ferguson. Alex Ferguson, pas trop dégueu. c'est pas fou. Ouais, sinon, c'est des espèces d'alcooliques, là, comme Sam Allardyce. Ouais, Rick Knapp. Mais ça s'exporte. T'en as quasiment pas des. Je pense que, effectivement, l'exportation du football n'a jamais été une réussite anglaise. Même les Africains, ils en veulent pas. Parce que tu n'as jamais vu un sélectionneur du Cameroun. Le sorcier blanc. Ce que tu pouvais avoir. The White Wizard. Attention, on avait dit tolérance, originalité. Ce que tu pouvais avoir parfois dans le temps, c'était jeune entraîneur anglais qui va faire ses armes au Danemark, en Norvège. Je pense qu'on est devenu Harry Potter. La Norvège. Oui, Graham Potter. Oui, il y a l'exemple de Graham Potter. Ça se faisait dans le temps. Ouais. Et puis parfois, il y en avait un qui. On est devenu la Norvège. On est un peu la Norvège. La finlandisation. Bon, après, ça veut pas dire que parce qu'il n'y avait pas de très bons entraîneurs anglais avant, qu'il ne sera pas bon. Bah, c'est peut-être le génie. Enfin, ouais, tout à fait. Sûrement. Mais cela dit, à part une communication bien huilée, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on pouvait faire. Parce que ce n'est pas son palmarès d'entraîneur qui, ou même de joueur. On pourrait mettre un joueur, on a eu Patoche, ça apparemment. Je trottis ma raison en disant que c'est une communication huilée, nanana, que c'est très anglo-saxon. C'est vrai, pour n'importe qui a bossé dans une boîte avec des anglo-saxons, c'est, t'as envie de vomir au bout de 20 secondes parce que tu l'as, ça fait 20 ans que tu l'entends. Mais c'est aussi la communication de Keller, depuis 11 ans. C'est raccord grave. La manière dont il nous a enfilé, pas nous spécifiquement, mais beaucoup de monde, en 11 ans. Elle y est, c'est la même. C'est la chanson. Et un côté baby-face killer, tu vois, c'est le gars qui a l'air sympa et tout, etc. Mais derrière, évidemment, c'est d'autant plus dur. Alors qu'un mec comme Loré, lui, il t'arnaque pas. Tu vois tout de suite son côté crénard, quoi. C'est brut de découvrir. Ouais. Casse pas les couilles avec ta vidéo, allez. Dave, tu fais quoi, là, allez? On peut quand même citer les trois adjoints qui sont arrivés, puisqu'on parlait des adjoints qui sont partis. Il reste qu'un an, alors autant qu'on ait un an. Qu'on puisse citer leur nom, puisque ça n'a pas forcément été cité dans le grand public. Les fiches sont à jour sur le Stoub. Moi, je vous invite à aller voir. Il y a des beaux palais partout. Carrière de joueur, ouais. Donc, il y a Imran Charaï, qui est un Belge marocain, qui a fait toute sa carrière en Belgique. Bah, francophone, alors. Francophone. Ah. Enfin, il est né en Flandre, enfin, il vient d'Anvers, mais il est francophone. Le voisin de Salab Deslam. Il y a Justin. Mais non, il vient d'Anvers. Ah oui, c'est Von Adeslam. Non. Ensuite, il y a Justin Walker, qui est lui un anglais. C'est un mélange de Justin Bieber. Qui était Justin Timberlake et Chips Walker, tu vois. Qui était l'adjoint de Rosenio à Hull. Et lui qui a une carte de joueur en 4ème division anglaise, hein, enfin le kick and rush. Ah, le mec, il en a vu de l'écossais. Un anglais un peu rougeau, voilà. Will Smith, quoi. Et il y a Khalifa Sissé, un franco-malien, qui a une carrière de joueur assez incroyable. Il a fait 4 continents. Et c'est lui qui a joué avec Romain Gasmi en Thaïlande. Il a joué à Romain Gasmi en Thaïlande. Ah, voilà. Ça, c'est une carte. Ça nous promet le retour de Romain Gasmi, entraîneur des U9 l'année prochaine. Bah, Romain Gasmi qui habite à Strasbourg. Avec Lina. C'est pas sa meuf qui est devenue influenceuse? Si, elle y est toujours. À Romain Gasmi ou à machin? À Romain Gasmi. D'accord. Voilà. Donc ça fait un staff et a priori qui serait peut-être encore complété par. Elle avait fait un truc sur NRJ ou machin comme ça, non? La meuf à Gasmi. On verra. On verra tout à l'heure. Tu nous parles de sa meuf sur NRJ. Vous nous parlez de sa meuf sur NRJ. Donc il y aura d'autres entraîneurs. Alors qu'ils se sont fait enlever la fréquence sur la TNT, quoi. Arrête. Donc il y aura d'autres entraîneurs à tout le monde. On fait que des caisses sur Adonis. On dérive. NRJ 12 aussi. Je crois qu'il est temps de sortir le rouge. Je sors le rouge. S'il y en a qui en veulent, c'est parti. Entraîneur de gardien, qui c'est qui? Bah, du coup, on l'a dit la dernière fois, Sébastien Jiménez. Oui, mais il y a des gens, ils étaient en vacances. C'est Jiménez ou Jiménez? C'est Jiménez. Jiménez. Avec un G, mais pas un G. Non, il faut rappeler aux gens qui sont rappelés. L'ancien joueur de Pro Evolution Soccer. Tu faisais une ligue mondiale avec Miranda. Alors là, je pense qu'on a bien posé les bases de la reconstruction. De toute façon, le problème, c'est que Liam, comme Patoche, Liam est entraîneur, mais. Sera-t-il décisionnaire dans le processus de recrutement, de composition de son équipe? Je pense que ce sera prochain Radio Stoub. Parce que quand il verra les contrôles de Mwenga ou de Laine, je ne suis pas certain qu'il arrivera à mettre en place De Laine, on va en reparler. Il a les fiches de Paris Galou. Exactement. Il a fait un stage en. Padalou de Messmaker. Pascal. Parce que Patrick Vieira est-il l'arbre qui cache la forêt? Quel arbre? Le baobab. Attention. The Senegalese tree. Voilà. Et parce que ce n'est pas le seul à partir. Alors, dans le staff, qui c'est qui dégage? Bon, on l'a dit avant. Hein. Donc, déjà, Kassar, on l'avait dit. Kassar, on a choisi de partir. On redit. Il est parti. Oui, on a parlé la dernière fois. Eric, parti sur Energy 12. Paul Nevin, donc. Donc tous les potes à Vieira dégagé. Oui, Christian Wilson. Et Régine Ray, dont on a parlé tout à l'heure. Il est 14 de l'analyse de vidéo. Là. Il reste. Ah oui, Mba. Je sais pas si ça part. Ouais, ça n'a pas été comme Et puis il y avait un mec hyper important là, qui s'occupait des prêts. Bah, mais Médicaire. Médicaire. Voilà. Ah, il est toujours là. Il est toujours là. Je l'ai dit. Je lui ai serré la main hier matin. Et Kader Morgan est toujours là. Kader Morgan. Directeur du football. Ah, bah, tant qu'il est là. Attention. Ils ont une garde à terminer. Attends, attends. Pour combien de temps? Je pense que là, tout le monde est un petit peu sur. Oh, on est sur les chars mordres. Ouais, sur les chars mordres. Bon, après, donc, pas, au niveau du staff, voilà, c'est un petit peu dégagé. Ouais. Au niveau des joueurs, il y a les joueurs qui sont vraiment partis. Sissoko. Bon, ça, on a fait ici la dernière fois. Ça, on a déjà fait. Oui, oui, dans le bilan. Marcel, bon. Je sais pas si t'as suivi. Lagarde. Le bœuf est parti. Et Michael Pagy, ça signe à Marseille. Mais il y a des joueurs qui ne sont pas partis. Mais qui ne seront pas là l'année prochaine. Qui sont dans le SAS, ouais. Donc, il y a Jean-Louis Daoulou qui a enfin signé son bon sortie. Ouais, mais ça, déjà à la fin. À Angers. Mais du coup, chronologiquement, on arrive au 29 juillet. Voilà. Ouais. Et là, lundi 29 juillet. Et voilà, c'est, il y a la médaille de tir à l'arc. Tout à fait. Le médaille en équipe. Argent. Il y a l'annonce du groupe qui part sur le deuxième stage de préparation à Lautenbach, Forêt Noire, hein, pas Weidmaster. Et on se rend compte que sur le groupe de 28 joueurs, il manque 3 joueurs. C'est comme sur la liste en voyage scolaire. Ah, il en manque, ils n'ont pas payé le. Ouais, bah tu restes à la maison. Ouais, t'as pas payé le. Attends, on peut juste revenir sur un truc parce que Weidmaster, tu dis Lautenbach. Tu dis pas Lautenbach. Ah, Lautenbach, Forêt Noire et Lautenbach, Weidmaster. Est-ce qu'on dit déjà Bach à ce niveau-là ou c'est le premier dans le Sumo? Eux, ils disent Bach, mais moi je dis Bach. Moi je dis Bach en bon barinois. Ouais, je dis Bach. Dans le Sumo, je dis Bach. Les gens, ils disent dans Bach, pas dans Bach. Ouais. Ils se trompent eux-mêmes sur leur propre nom. Bon, et bref. Et il paraît que Rosenior dit Layam. donc, bref, on revient au. Donc, c'est 3 joueurs, on les a pas. 21 juillet, on peut les citer. Qui sont-ils? Donc, c'est 3 joueurs qui ont été écartés et à qui le Racing a dit on compte pas sur vous, cherchez-vous un nouveau club. Donc, il y a Dreyer. Bon, ça, c'est très, très bonne recrue, hein, Dreyer. 6 mois, du coup, ouais. Il a pété la jambe à un Troyen, en équipe 2, et donc 20 minutes de jeu, une expulsion. En équipe 2. En réserve. Il a joué à la Bélo. Et du coup, donc Dreyer, on s'en fout un peu. Et il y a 2 joueurs, et là, c'est un vrai sujet, c'est Lucas Perrin et Frédéric Gilbert. Alors, surtout. Lucas Perrin s'était petit suicidé à la fin de la saison. Ouais. Ah, Kiri. On avait commencé la dernière de choupe sur ça. Voilà. Donc. C'est pas illogique. Un super accent marseillais. Et un an, il restait un an de contrat. Donc c'est pas illogique. Ouais. Si on met de côté le sportif qui apparemment au Racing n'a plus du tout droit de citer, c'est pas illogique que Perrin soit sur la liste des départs. Par contre, Gilbert, il avait sorti la cireuse de chaussures quand même pendant tout l'été. Les interviews en disant que il comprenait le projet, c'était compliqué, mais il avait quand même compris que. Il était encore capitaine l'avant-veille à c'est Karlsruhe. C'est ça, il portait le brassard à Karlsruhe. Ça, par contre, juste avant Karlsruhe, on recrute Guéladoué. Ça, oui. On en parlera après plus en détail. Mais autour de cette table, qui est vraiment surpris de ces possibles départs? Ah, pour moi, c'est de l'intolérance contre les galipettes, déjà. Non, mais c'est le projet. Les roulades, ouais. C'est depuis depuis l'an dernier, on dit qu'on aura un effectif de gamins et il n'y aura plus de joueurs de plus de 23 ans. Tous les gars, un petit peu de... Cela dit, Gilbert, à la sortie d'un match la saison dernière après le mercato, avait plus ou moins fustigé le mercato, hein, en disant qu'on aurait peut-être pu mieux recruter. Ouais, mais c'est, je sais pas si c'est à cause de ça. Mais je pense parce qu'il est trop vieux. Mais il fallait aussi se souvenir qu'il y a quelques semaines, on a le Racing, enfin, Racing ou Chelsea, enfin, beaucoup avaient essayé de recruter le Brésilien Pedro Lima, on avait aussi parlé, un latéral droit qui finalement est parti à Wolverhampton. Donc en fait, il y avait ce projet de recruter un jeune à droite, il est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, on a concrétisé Guéladoué, donc c'est l'occasion de virer Gilbert. Quoi. Ouais, mais ce qui est dingue, c'est qu'on te vend le truc, je pense que ça se fait 48 heures après le premier match auquel Rosenior a pu assister. C'est le choix du coach. Et on te dit que c'est le choix du coach, ouais, quel foutage de gueule quoi. Match où il a été mis dans une position intenable sur le terrain pour lui. C'est ça. En plus, bah bon. Donc, c'est à pleurer. Alors, qu'il y ait des ajustements dans l'effectif. Mont Blanc. Pas tout de suite. Qu'il y ait des ajustements dans l'effectif, ça, ma foi, ça arrive tous les ans. Mais c'est pareil. Normalement, ce truc-là se gère. T'as toujours ce moment un peu ritualisé en fin de saison où le coach reçoit, là, il y a 2-3 jours. Il n'y a pas d'entraînement. Ils ont le droit de faire des coloriages, de regarder une cassette vidéo et de temps en temps, le prof en prend un pour lui dire tu vas pas passer la classe suivante. Quoi. C'est à peu près ça. Et bon, ok, le gars comprend, machin. Et en fait, tu fais pas ça en catastrophe à la fin du mois de juillet. En pleine préparation. En pleine préparation. Dans un marché qui, en plus, est totalement sec parce que là, évidemment. quel club va mettre ne serait-ce qu'un copec sur l'indemnité de transfert sur Perrin et Gilbert. Je pense que s'ils sont libres, enfin, je pense qu'ils partent gratuit. Ouais, c'est ça. Non, non, Gilbert, ils essaieront de vendre. L'argent n'est plus un problème. Oui, si tu peux rentrer un peu de cash. Je pense que tu peux rien. C'est un bon rôle du COP. Ça serait génial. En vrai, c'est le premier match. L'argent n'est plus un problème. Le sportif, si. Le sport, on s'en fout. Ah oui, il y a un truc à creuser là. L'argent n'est plus un problème. Mais je pense qu'on en est là. Je pense que financièrement, le Racing n'a pas trop de quoi. Enfin, alors, on croyait jusqu'à aujourd'hui. Mais globalement. Attends, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent dans 10 jours. Et qui vendent leur action Apple. Ah, dans 3 semaines avant. Non, mais les dilitiés. Ouais. Non, mais même au-delà du contexte financier et économique d'aujourd'hui, c'est juste que si tu peux rentrer du cash et rentrer de l'argent en trésorerie, ils ne sont pas se priver. Hein. Après, ils ne se sont pas gênés de monnayer tout ce qui était monnayable dans l'effectif. Bien sûr. Ils ont bradé toutes les Alors, au niveau des départs. Alors, juste, bah, je sais pas, je vais une toute petite question et après sur Gilbert. Oui, on continue. Donc, Doué le remplace, ok, etc. Et derrière, il y a qui en Senaya. Senaya. Ah ouais. Un mec de Saint-Louis. Putain, Marvin. Mais Marvin, l'été prochain, il part, il a 24 ans. Là. Ouais. C'est en 2009. Ouais, parce que là, il est vieux. Ouais. Il est périmé l'année prochaine. Ok, non, c'est Gilbert, bon. Gilbert, j'ai ma réponse. Non, mais je sais pas, la réaction, parce que finalement, c'est, on l'a un peu lu sur Jtou pour ceux qui. La partie des gens qui sont dégoûtés. T'as l'impression que c'est presque le dernier coup que t'enfonces dans le cercueil, que c'est voilà, que c'est un crève-cœur. Gilbert avait déjà un petit peu une forme de popularité, un peu dans les réseaux aussi, Direct Racing ou compagnie. On se rappelle quand il est parvenu en 2022. Ouais. Oui. Tout le pataquès. Voilà, le pataquès que ça avait suscité. Il veut revenir, on n'en veut pas, je sais pas quoi. On prend Dagba, Pierre Gabriel. Bon, finalement, il est revenu 6 mois après. Et là, le fait de le foutre dehors, ça. Mais surtout qu'on parlait des joueurs, du manque de joueurs à qui le grand public pouvait s'identifier. Et on disait, bah, il restait finalement Gilbert et Perrin. Il en faisait partie, il a fait plusieurs passages au Racing et. Voilà, il a toujours été correct, même si. C'était un peu le dernier vrai joueur. Et je l'ai vu hier faire un footing devant le Parlement européen. J'avais la fenêtre ouverte à gauche. J'ai fait un petit signe. Il m'a vu, mais je sais pas si. Non. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu lui. Tu lui as pas dit, il faut tourner le gazon chez ma mamie là. Ah non, mais je me suis dit, bah, il faisait son footing, bah, tu sais, il veut garder la forme. Alors, il y a une dernière personne dur. Auquel le grand public pouvait s'identifier qui quitte le Racing. Ah oui. Et cette fois-ci de son propre chef. Ouais, on peut même s'identifier physiquement. Bah oui. Et on est un peu. Un athlète. On est un peu tous armés en ski. Voilà, donc alors c'est anecdotique. C'est une légende, bon, ouais, c'est une légende. Mais c'est encore c'est le premier le canari. C'est le premier canari. Il y avait quand même du monde qui a découvert la fonction d'Arnaud. Des gens du Jtou qui disaient ah moi je connais le Racing mais je savais pas qui était Arnaud Zemmour. Bah c'est qu'ils sont jamais voir un match extérieur parce que c'est lui qui t'envoie le petit mail pour te dire le petit livret. Est-ce qu'on peut quand même faire un peu les violons et le l'exégèse, comment dire, pas l'exégèse. Tu rajoutes non, parce qu'il pleure là. Ouais, parce qu'il y a quand même pour les gens qui voient pas mais qui étaient là en 2011. 2010, c'est lui sur l'escalier qui insulte Thomas Fritz. Il n'est pas sur l'escalier. Il n'est pas sur l'escalier. Non, mais enfin, il est là devant la maison. Oh, le Racing, je l'ai tatoué sur le cœur. Exactement, et qui envoie chier Thomas Fritz là avec sa tronche de Thomas Fritz. C'est pas lui qui lui met une baffe. Et on dit Thomas Brandt. Thomas Brandt. Oui, Thomas Brandt. Oh, mais c'est bon, 2024. J'ai d'en parler. Mais donc voilà, non, si. Oh, la baffe, c'est un souvenir. C'est un souvenir. Oui. Mais Arnaud a fait plus de choses que ça quand même. Cela dit, moi je le dis pas en me moquant. Je pense que c'est un type qui, on peut pas nier le fait que c'est un type qui avait vraiment le Racing. À ce moment-là, c'est aussi l'ancien capot des Ultras. C'est pour ça que c'est un canari dans la mine. C'est que, effectivement, le gars est dans l'univers Racing depuis toujours. Comme Guy, comme quelques autres. Avec aussi deuxième canari, hein, le canagui. Avec quelques le canagui, c'est un canagui B. Avec quelques bon mot, bonne réponse de l'amiral. Avec quelques coups pendables aussi, parce que bon, à un moment, il était aussi pressenti pour être au conseil d'administration avec Ilali, une époque, un topic qu'on vous recommande à l'époque, là où ça règle bien ses comptes. Et c'est, ouais. En fait, et c'est d'autant plus à son. En fait, je dis ça, c'est même pas pour lui casser le sucre sur le dos, c'est que le gars finalement partait quand même aussi avec un petit passif. Et très très vite, il a fait l'unanimité. Faut bien avouer que pour tous ceux qui ont été à un match à l'extérieur, notamment effectivement, il était toujours là, relativement calme, même si c'était stressant. Dans l'organisation de tous les petits détails, facilitant les choses pour les supporters visiteurs aussi, qu'ont fait les supporters de Montpellier qui s'étaient fait coincer sur le parking par Josiane là qui avait tapé un petit coup de stress et qui les laissait sous le parking sous le canard sans flotte. Et donc en fait le mec part au meilleur moment pour lui. Il a derrière lui 10 ans de relations apaisées entre les supporters et le club. Un succès public qui a un peu résonné dans la presse. C'est une référence en France sur ce métier aussi. Inventer le poste. Ouais, c'est ça. C'est un pionnier. Hein. Donc son départ d'un point de vue de carrière est logique, mais tu peux pas t'empêcher de penser qu'un mec qui a autant le Racing chevillé au corps, s'il se barre, c'est aussi parce qu'il sait qu'il y a rien de bien qui s'annonce, quoi. C'est plus symbolique, voilà. Et, comme dit, c'est un départ de sa part pour poursuivre sa carrière. Ailleurs dans le football français. Mais il l'a dit à l'FFF. Hein. Il l'a annoncé. Ouais, mais effectivement, il va pas aller ramasser des capotes sur un tournage porno. D'accord. Il va faire un peu ce qu'il veut de ses loisirs. Il avance dans sa carrière. N'empêche que si vraiment. Oui, non, comme, mais il y a certains esprits faibles le croient, on va être Coupe d'Europe tous les ans et tout, etc. Le gars serait resté. Il serait dit putain, le gros kiff et tout, machin. T'sais. Donc, qu'un gars qui organise le transfert de 3 bus strasbourgeois à Istanbul. Ah, il peut peut-être aller gagner une Coupe du Monde aux États-Unis, hein. Peut-être que c'est au-dessus que. un grand pays de football. Ah, oui, de soccer. Avec Vieira. Mais c'est vrai que le symbole, il est quand même. Le timing est très mauvais. Oui, c'est ça. Pour le Racing. Mais après, il faut aussi voir parce que le contexte supporter la saison qui vient sera peut-être assez délicat à gérer. Et le nouveau SLO, il va arriver, il va dire du sang et des larmes. Tonnerre mécanique. Ouais. Ça c'est les vélos. Vélos cargo électriques du Nord. C'est vrai que le contexte l'an prochain au niveau supporter, en plus avec les changements à la Méno, la nouvelle tribune Ouest à gérer, les relations entre les supporters, ça va être compliqué. C'est un poste facile. Oui. Et puis il y avait un peu tous les trucs aussi qu'il a rangés à droite à gauche. Fonction tampon, toutes les demandes un peu exotiques à droite à gauche, c'était quand même il arrangeait quand même beaucoup de coups à droite à gauche, ce qui faisait que du coup il y avait une forme de co-gestion, tu m'as filé un coup de main pour ce coup-là, ok, on va pas craquer. Donc t'avais cette espèce de co-gestion qui a quand même contribué au fait que, même si c'était tendu l'année dernière, il y a eu aucun événement dommageable, c'est sûr que si t'enlèves ce type de personnes qui sont, presque par posture naturelle des intermédiaires, ça va devenir plus tendu, quoi. C'est une fatalité, quoi. C'est un poste. Moi, j'aimerais pas être celui qui va prendre sa succession. Mais vraiment pas. Il n'est pas autour de cette table, je vous rassure. Non. Voilà. C'est pas assez bien payé, en plus. On est là, mais bah, c'est bien, il faut beaucoup plus d'argent. Pour notre train de vie. On peut élargir, alors on savait pas où le placer. Il y en a encore un qui s'en va. Qui s'en va, j'allais dire. Les supporters du Racing. Ah, voilà. Qui ne connaît pas quelqu'un qui a clamé haut et fort, qui ne reprenait pas son abonnement après cette saison merde, après le départ de Vieira, après le départ de Gilbert, après le départ du football de la Méno? On peut reciter le très bon article de Changui aujourd'hui sur le Stoub. Voilà, je le connais par cœur. Les hésitations, mais c'est quelque chose de vrai qui est partagé par beaucoup, je pense. C'est on peut se réabonner, il y avait que des réabonnements. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a, je pense que autour de la table, on s'est tous réabonnés parce qu'on est un peu cons. Tout à fait. Mais. Je pense que c'est la raison première. Moi, personnellement, je me suis vraiment posé la question. Là, c'est ma 19e carte d'abonné. C'est la première fois que ça m'arrive. De me dire. Du coup, ça fait saison 2000. Saison papin, hein, 2006-2007. Ah, c'est peut-être 18. Et toi, Bigus? Ça fait 19. Moi, du coup, j'ai eu du mal à compter. Moi, c'est saison 2005-2006. Comment il s'appelait, tu sais, le super mec du marketing? Du Gay Pérou. Non, Pierre Brochet. Pierre Brochet. Moi, ça fait. Et Jackie. Bien sûr, évidemment. Coupe de la Ligue, victoire en Coupe de la Ligue, la Coupe d'Europe à la Ménor avec Elgame Mondial. Moi, j'avais pris ma carte d'abonnement sans réfléchir. Bah, c'était pour papa. Moi, ça fait 32 ans, moins une année de service militaire. Oh, le vieux. Mais du coup, ouais, c'est... Et, on est quand même beaucoup à se poser cette question-là. Déjà, se poser la question, mais quand même sur les abonnés. Mais il y a quand même un certain nombre, je pense, hein, dont Shangui, justement, qui explique pourquoi, à carrément se dire, bah, j'en ai marre de faire 50, 100 kilomètres. 123 pour certains. Ouais, il vient du sud, ouais. En plus. Hein, ah oui, il en fait plus alors. Mais même des gens qui viennent plus le décalage horaire. Ouais. Mais se dire, la langue. Est-ce que j'ai encore envie de m'infliger ça? C'est des portiques. Un club qui, dans lequel je me reconnais plus. Pour me faire chier à la Méno. Ouais. Pour me faire chier à la Méno, voilà. Pour ne plus se lever. Alors ça, je l'ai entendu, parce que moi, je suis sur les marchés, je suis dans les villes, je suis partout. Où il y a des petits verres de... T'es un député de terre. Bah oui, je suis un député de terre. Non, mais j'ai entendu ça, bah pareil, un supporter qui vient d'à côté de Colmar et manger, et a dit, cette année, je me suis vraiment posé la question, parce que faire 100 km un mercredi soir pour voir un match de merde avec des joueurs qui n'ont rien à foutre, j'ai plus envie. Mmh. Alors, lui, il a repris. Il a dit, cette année, je reprends. Mais si c'est pareil, franchement, je viendrai plus, j'arrête. Mmh. Et je pense qu'il y a pas mal de gens... Alors après, c'est toujours un peu le truc, c'est dans l'amour avec le Racing, qui dit, allez, c'est la dernière saison que je m'abonne pour voir ça. C'est encore une chance. Ah, bah, c'est ça, c'est clairement. Ah, ce phénomène, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui se sont réabonnés avec enthousiasme. Il y en a un ou deux sur l'âge tout, bon, on les voit, ils sont comme des fous là. Mais ils viennent pas au stade, c'est pour ça. Ah, c'est des gens qui viennent pas au stade. Mais après, on en a déjà parlé, hein, match de merde, on en a eu plein pendant des années. Oui. Le problème est mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais si, match de merde, on a eu Moulin, hein, c'était un projet très intéressant, on est remonté rapidement national. Ouais. On a eu la première saison nationale, on a eu des matchs en Ligue 1, en Ligue 2 qui étaient assez pourris. Hein. Ah oui, non, mais on peut le dire. Hein. Mais on vient pas pour le foot. Mais à ce moment-là, oui, voilà, on vient pour autre chose. Exactement. Mais là, cette autre chose n'est plus là. Mais cette autre chose n'est plus là. Exactement. Et par contre, le pendant, genre, parce que par exemple, au PSG, les gens venaient s'infliger des matchs de merde au parc, mais pour l'amour du PSG. Et quand on leur a enlevé tout ça autour, on leur a mis une équipe qui gagne tout. Oui. Du coup, ça a permis une transition entre deux publics. Sauf la Ligue des Champions. Oui, sauf le premier moment. Écoute, je peux me contenter d'arriver en finale avec Super. Non, mais dire, c'est un projet. Voilà, les gars, on vous a bousillé votre club, mais maintenant, par contre, vous allez voir des superstars. Vous allez voir, ouais. Vous allez voir du football, peut-être pas non plus, mais voilà, des matchs, des trucs. Donc, il y a un public qui est venu et qui a dit, ah bah bon, moi j'en ai rien à foutre du PSG version loser. Ouais. Je viens voir Mbappé, je viens voir Ibrahimovic. Voilà, je viens voir des stars, un truc, et donc le projet, on proposait quelque chose. Là, pour le moment, on a l'impression qu'on ne propose rien. Ouais. On nous enlève les Gilbert, hein, les Gilbert et Gilbert, hein. Les voilà. Non, mais les Gilbert. Et par contre, on nous propose des jeunes. Des jeunes que peut-être un jour ils seront bons dans 10 ans, c'est peut-être. Dans un autre club. Dans un autre club. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme les gens qui supportaient l'équipe de France avant 98. Ils se sont sentis dépossédés en 98, puis ils ont eu 2002, mais nous on a 2002 direct. On passe pas par la case 98. Ni 2000. Ni 2000. C'est 2002. Bim. Tiens, regarde, bouffe de la merde. Mais oui, mais. La deuxième étoile. Ouais. Non, mais l'article était très bon, et effectivement, je pense déjà, il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un budget. Il y a des gens qui peuvent se le permettre presque. Aussi, quand t'habites pas loin, ça fait déjà une dimension. Quand t'es pas loin et que, bon, bah, finalement, sortir les 300 ou 400 balles, c'est pas très compliqué. Ah, c'est aussi cher! Plus de facilité à le faire. Il y a des gens qui habitent plus loin, qui ont des moyens plus limités, qui font des arbitrages aussi. Mmh. Et effectivement, il y a, au-delà de l'enthousiasme, pendant des années, c'était un automatisme. C'est-à-dire, tu te posais même pas la question. Mmh. C'est-à-dire que tu reprenais ton abonnement. Mmh. Tu organisais ton mois en fonction du... C'est ça. Le Racing joue ce samedi, donc voilà, on fait ça, on va avec Bobonne dimanche plus tôt chez la belle-mère, etc. Mmh. Tu te fais ton calendrier. Mmh. Voilà. Et parfois, tu vas juste chez la belle-mère. Et là, et je pense que l'année dernière, moi, c'était mon cas, il y a même des jours où le Racing joue à 15h, bah, je vais je sais pas où, chez la grand-mère ou quoi. Et bah, je veux pas voir le Racing, mais tant pis, bon, bah. Voilà, je sais que c'est un match de merde, donc je ne vais pas m'intéresser à ce Montpellier-Strasbourg. Ouais. Alors que le Racing fait partie de nos vies. Enfin, pour certains, on construit presque notre vie autour du Racing. et qu'on en arrive à ce niveau de se dire je suis prêt à renoncer à ça et les limites à changer de mode de vie, ça pose quand même question. Ouais. Moi, ce qui m'a incité à me réabonner, c'est pour voir la méno en feu. Ah oui. Mais c'est ça, moi j'attends la méno, la fusion, moi, au premier degré du coup. Hein. Moi il y a, ouais, y a ça. Pour aider à reconstruire la tribune sud, la nord, ou je sais pas, okay. Comme ça on la brouille un peu. Ah, je suis d'accord avec 80. Vous. 80. Je suis d'accord avec vous. Notez, je vous vois tous hein, depuis le début, j'espère que quelqu'un remarque. C'est une nouvelle méthode. Je suis d'accord avec vous. Ceci dit, moi il y a un autre truc qui me motive. C'est les mecs sur la chou qui disent eh ben alors, t'interdisais ton abonnement, comme ça je pourrais y aller. Ben non. Qui va pas, parce que moi je garde mon abonnement et même j'en ai trois. Je vais te dire, tu ne viendras pas, je ne le lâcherai pas. On occupe le terrain. Sans vos Jérémiades sur la Stube, j'aurais peut-être laissé tomber, mais là non. Je m'en fous. Et peut-être que je ne viendrai pas d'ailleurs, mais je garderai mes abonnements. Attends, je les lâcherai les soirs de match. Et j'en mettrai. Je sais ce que tu vas dire, mais il va payer un gars pour passer à sa place les portes oui, et ressortir. Parce qu'on aura un contrôle sur le. Oui, si tu rates, il sera désactivé. C'est 7 matchs, je crois. Si tu rates plus de 7 matchs, ouais. On te désactive. Enfin, c'était pas une légende urbaine déjà il y a 4-5 ans. Non, ils ont écrit ça. C'est écrit. Oh, ouais, ça commence, ouais. Et t'as cliqué sur accepter les conditions ouais, de bien vente. Sûr. Donc, tu voilà. Les as pas mis donc. Faut que j'aille 7 fois, putain, les mecs. Non, il faut que j'aille 27 fois. Non, non, il y a 17. Ah, ouais, c'est 17. C'est 17 matchs. Ah oui, ouais. 10 fois. Faut y aller 10 fois. Faut que j'aille 10 fois. Parce que déjà, même en temps normal, tu le dis pas. Donc. Je regrette déjà. Changement, monsieur l'arbitre. C'est-à-dire que s'il faut un match. Dès la match avec les meufs, il sera désactivé. Ouais. Un match avec les meufs qui font des repas d'ACDC, bon, ouais. Là on y va. Ouais, bah oui. Elles étaient bonasses. C'est vrai. Mais sinon, il en reste 9 encore. Sauf qu'elles arrêtaient, c'était leur dernier. Oui, c'était leur dernière. Ouais, c'était leur dernière date. Ah putain, j'étais amoureux, moi. Ben. Après, si ça peut être le premier match, t'es tranquille, hein. Il y aura peut-être des huis clos derrière. Oui, c'est vrai. Un nouveau Covid, hein, on sait pas. Allez, alors on enchaîne parce que le, mine de rien, contrairement à Major Racing, le temps passe vite. Bah pas tant que ça, on voulait faire 3 heures d'émission. Ouais. Les supporters sont partis, c'est fait. Les abonnements, ah oui, les abonnements, ouais. On voulait dire quoi aussi pour les abonnements? Il y a plein de trucs à c'est dire. C'est trop cher. Déjà, le coût de. On avait déjà. Il y a pas d'augmentation. Et le coût de la carte, t'as pas le droit d'avoir une carte physique. Ah oui, tu payes 10 euros. 10 balles pour faire un bout de plastique. Frais d'envoi, mais il faut venir la chercher. Du foutage de gueule, Marc Heller, là, à Wimbledon. C'est-à-dire que des mecs qui payaient en Tribune Ouest avec les plus de 6 ans d'abonnés, donc avec le 30% de réduction, ils payaient combien? On payait combien? 139 179. Hein. Non, maintenant, oui. Ouais. Mais avant. On avait 30 balles de moins, je crois. Ouais, donc on payait 149. Et en fait, maintenant, tu fais 179 plus 10 balles parce que la carte physique, ouais. 189, c'est le même prix, mais c'est 40 balles plus cher. Pour la et heureusement, on a ouais. Deux matchs en moins, hein. Enfin, depuis 2 ans. En plus. Enfin, mais c'est 180 000 de moins. Hein. Alors, par contre, l'équipe annonce une augmentation de l'abonnement à Strasbourg. Ouais, alors ça, c'est une connerie dans leur infographie, puisque finalement, il y a eu. Alors, jusqu'à ce qu'on apprenne aujourd'hui, qu'ils ouvrent un peu plus. Mais normalement, il n'y avait que des renouvellements d'abonnement, il n'y avait pas de nouveaux abonnés. Donc, il ne peut pas y avoir plus d'abonnés que l'an dernier. Puis surtout, ils ne peuvent pas savoir qui a décidé de prendre son abonnement aujourd'hui. Ils ne savaient pas que Changui, il n'allait pas se réabonner. Est-ce qu'ils savaient ou que, ouais. Que Calcio, je te laisse le dire. Calcio, Twitter, sur Twitter, t'avais dit qu'on en parlait. Ah oui, c'est vrai que Ross, Nicolas Lacarte, oui, Ross, c'est vrai. Ah oui, notre c'est abonné quand même, hein, après nous avoir fait croire. Ah. Il n'allait pas s'abonner, hein. Il s'est abonné. Hein. Mais il a hésité aussi. En fait, mais il s'est abonné aujourd'hui. Ouais. Donc ouais. Là, ils ne peuvent pas savoir si le mec aujourd'hui va s'abonner ou pas. Non, mais c'est une estimation douanier de l'équipe. Ils sont sur français. Mais peu importe. Il s'est peut-être abonné avant et il l'a annoncé aujourd'hui. Non, mais l'article de l'équipe, c'était un article général sur la Ligue 1 en disant que les gens vont plus en plus. Comment ça, c'était pas un article juste sur Ross? Non. T'as bien le droit, c'est, ça sera le portrait. Je vois bien l'intertitre. Et c'est bon, je m'attends à quoi, mec? Ça sera le portrait week-end prochain. On a cité Ross, je le note juste. C'est le seul qu'on a cité pour le moment. C'est Changui aussi. Changui. Ah, Changui, exact. Voilà. Donc, sur les abonnements, on se fout de notre gueule, on l'avait déjà dit. On a pris l'abonnement, mais est-ce qu'on ira au match? On peut aussi dire qu'il y a, l'an dernier, il y avait aussi les places à prestations et places hospitalité, donc les entreprises qui étaient pleines. Et places à prestations. Là, ça s'appelle une place à prestations ou hospitalité. C'est avec finition. Moi, une place VIP pour les entreprises. Et l'an dernier, c'était plein. Et cette année, il y en a beaucoup qui sont désengagés, aussi à cause des prix qui ont augmenté, a priori. Et là, le Racing, le service commercial du Racing, appelle désespérément les entreprises pour attraper le coup et remplir de nouveau ses places. Bonjour, c'est Rosa du Racing Club. Donc, il y a, enfin, le désamour commence. Enfin, voilà, c'est. Je dirais qu'on est plutôt sur la fin de la lune de miel. Oui, bah, on l'a déjà dit dans plusieurs radios, je trouve. En plus, il y a un peu un effet amplificateur dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'il y avait beaucoup de boîtes, comme beaucoup d'abonnés, qui s'étaient abonnés parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir une place. Et maintenant que ça devient un petit peu plus disponible, les gars vont dire, bah, c'est pas grave. C'est un peu comme la billetterie de revente des JO. Tout le monde était parti comme des bourrins jusqu'à se rendre compte que finalement ça libérait des places. Et là, tu te rends compte que deux jours avant, t'as des mecs qui décident d'aller voir du basket féminin, une espèce de pervers. 5 à 7, non, 3-3. En 3-3, ouais. Mais ils espèrent 3-3, un 5 à 7 après. Ou du hockey sur gazon. Et voilà. Voilà, donc on a un petit peu clos la partie départ. On va partir sur la route. Dans le sens des arrivées, bison futé. Les Aoussiens. Le chassé croisé. Les Aoussiens du Racing. Arrivée de joueurs, car il y a des joueurs qui arrivent. Ah oui ? Eh oui. Pas des moindres. JP Larky, est-ce que tu connais ces joueurs ? Bien sûr. J'ai la liste. Galanga Aldoué ? Gela Doué. Comment ? Gela. Ah merde. Le Galanga, c'est une épice. Je peux faire la liste. Ah, c'est une épice, pardon. C'est une épice malaise. C'est un peu comme du gingembre. C'est ça, hein ? Ouais, ouais. Parce que dans le curry, si tu veux le fabriquer toi-même, il me semble que tu utilises. Tu mets du Galanga. T'as beaucoup de sortes de curry. Mais c'est faire un curry vert. Ouais. Non, ou le rendang. Curry bon. Un curry de bœuf malais, c'est le plat préféré de Barack Obama. C'est très bon. Attends, je vais me note. Ouais, tu sais jamais. Tu fais ta pâte. Si Barack Obama, tu mets un Twitter Barack Obama. Je savais tous que Barack Obama a grandi en Indonésie, donc Indonésie, Malaisie, là, ça se touche. Ouais, bien sûr. Ah, c'est parce qu'il est musulman, il s'appelle Hossein, en fait. Bah oui, bien sûr. Donald Trump. Et donc, en fait, ouais, tu fais une espèce de pâte comme ça avec du piment, du gingembre, du galanga, de l'ail. Ouais. Et après, tu fais revenir ta viande avec du lait de coco et du citron, c'est vraiment très très bon. Et Riza Lakhman. Rendang, R-E-N. Il a ouvert un restaurant malais. D'accord. Riza Lakhman, je crois que c'est le Conseil de Pierre. Riza Lakhman, c'était le malais que Claude Leroy avait signé. Tu n'as pas lu mon article sur Riza Lakhman. Le malais fait. Si, sûrement, mais il y a 15 ans. Ouais. C'était un malais, ouais, parce que Claude Leroy, il avait été pote avec des sultans. Avec le prince. Oui, ça, c'est la fameuse tournée du Racing en Malaisie. Exactement. Très bon article. Ouais, je l'ai lu. Il y a le Colmar en Malaisie. Les recrues. Renaud aux Aoussiens. J'ai pas l'air qu'on laisse tomber. Je peux faire la blague. Mais j'avais doué. Mais je peux faire la liste. Je peux faire la liste depuis le dernier épisode. Mais est-ce que quelqu'un a tenté le truc, le sous-doué en vacances? Si j'ai cliqué encore des articles, j'aurais pu le faire. Alors vas-y. Bah, du coup, au dernier épisode, on avait déjà Pape Diong et Milos Lukovic. Hein. Bien sûr. Le gars arrive, il est blessé. Ouais, on a pas blessé. Milos Lukovic. Alors le mec, il est pas blessé depuis 6 mois là. Ouais, non, il a participé au premier match amicaux contre Munich 1860. La blessure sérieuse. La blessure sérieuse. Hein. Les dés dans l'Alsace. C'est sérieux, faut voir la gravité, mais il est blessé. Mais disons, pour que le DNA les remarque. C'est ça. On dirait la Pravda, tu sais. Ouais. Le premier secrétaire, Constantin Tchernenko, a été admis pour une légère grippe. Il a été amputé de la pied. Voilà. Donc blessé, indisponible. Ouais. Voilà. Et donc, depuis le dernier Radio-Stoub, on a recruté plusieurs joueurs. Perea, je l'ai. Perea, effectivement, pour 5 millions d'euros, un jeune Colombien de 18 ans. J'adore. Oscar. Parce qu'on recule de l'expérience. Ouais. 40 matchs en Liga Café. 18 ans en année de Colombien, ça peut faire 30. Hein, celui depuis 26 ans, à peu près. Tout à fait. Il a suivi le coït. Hein, mais... Il suivait déjà sa mère. Donc en fait, on sait pas, tous ces gens sont des enfants de Désiré. Pendant ces voyages, l'autostoppeur du sexe. il y avait un article dans le Monde Magazine, là, comme ça, sur un mec qui avait donné dans, je crois, 43 banques de sperme. Oui, mais et ça, ils sont 4 000 cousins. Tous. Mais c'est le film Starbuck. Et c'est exactement avec un canadien. José Garcia. Québécois, il y a le remake français. Donc, Oscar Perea, effectivement, 5 millions d'euros. Guéla Doué, 6 millions d'euros plus des bonus à chaque fois. Hein. Donc, latéral droit de Rennes, le grand frère de Désiré Doué. Loïc. Ah, bah voilà. Et donc, on a également eu deux prêts de Chelsea. Ah oui. Donc, ça faisait longtemps, tiens. On a deux des trois prêts de Chelsea. Hein, cette info va vous surprendre. Ils ont droit à trois prêts. Le numéro 3 va vous surprendre. Donc, il y a André Santos qui. Génial! Alors, ah oui, André Santos, je vais revenir. Qui a été rebaptisé, c'est devenu Maradona. Quoi. Ouais, je vais en parler de ça. C'est le retour de Gilbert. C'est non, je pense que tu voulais demander, est-ce qu'il y a une clause d'option d'achat? Non. Non, il est juste prêté. Faut pas déconner. Et l'autre. Ça s'en est passé parce que les mecs de Chelsea, parce que moi je dis au mec sur Youtube, le mec de Chelsea, il va mettre une clause, il va se mettre à son bureau, il va dire, est-ce que je me le vends? Oh, sans déconner, c'est quand même. Pas pour déconner, mais. Mais ça, c'est le boulot. C'est de... comme ton cours de terminale. Mais lui, le commerce intra-fille. Mais ça, c'est le boulot de Sam G. Well, qui est au niveau du groupe Buko, qui gère ce genre de mouvement. Putain, le boulot de Shadok, quoi, se vendre des trucs à lui-même. mais c'est vrai qu'il y a un exemple à Lyon, là, qui est en train d'être fait. C'est Mohamed El Arouche, qui est un jeune joueur de Lyon, qui a pas trop joué en équipe première. Et qui va être racheté par Botafogo à un montant. Alors, on n'a pas encore le montant, mais on parle 30, de... Je crois qu'on parle de 30 millions. Hein. Ouais, ça, entre 15 et 30, après, c'est encore assez obscur. Mais en tout cas, une grosse somme. Et finalement, bah, c'est deux clubs de la Galaxy Eagle, Textor. Donc Textor, donc Botafogo, qui va verser des fonds d'argent propre à Lyon. Et la LFP, bien sûr, et l'UEFA. Ah non, c'est légal. C'est légal. C'est légal, bien sûr. Officiellement, c'est un club qui achète un autre. Où tu autorises la multipropriété, voilà. Ouais. Ouais. Qui ne devrait pas être utilisé, puisque là, c'est une escroquerie. Bah non, c'est légal. Non, mais je sais. En vrai, Lyon devrait être à moins 30 millions si leur budget c'est comme, quand McDonald's, vend ses frites à ses propres. Vend tout à la filiale néerlandaise, ouais. Achète tout à la filiale néerlandaise et ne fait pas de profit en France. C'est légal, c'est juste du gros foutage de gueule, ouais, et je peux leur dire, arrêtez de nous prendre pour des cons, payez vos impôts. Oui, mais exactement ça. Mais ce genre de mouvement, par exemple, si André Santos avait une option d'achat, vous pouvez très bien dire, bah, Chelsea, par rapport au fair play financier, ils ont besoin d'entrer, je sais pas, 15 millions d'euros. Ouais, mais ils ont pas besoin d'une option. C'est-à-dire que si demain ils décident qu'ils veulent nous le vendre pour 3 mars. Oui, c'est possible. Et une boîte de Bretzelboli, c'est possible. Oui, oui, ils peuvent le faire sans option. Tout comme s'ils décident qu'ils veulent nous le vendre pour 120 millions. Ils veulent se le vendre. Ça n'a aucun sens. mais j'avoue, là, les esprits faibles qui nous ont, enfin, le gars, ok, il a fait 2-3 matchs corrects. Bon, on qui nous ont dit, là, c'est le grand Maradona, il a même pas 20 matchs de première division. C'est ça. Et puis sur ce trou du cul, il a pris 3 jaunes de suite, dont un parce qu'il a montré son maillot, et c'est à cause de ça qu'il est suspendu au prochain match. C'est vrai que ça bouge tout, moi, quand même. Il signe à 17h19 le jeudi, à 17h20, il est déjà suspendu. Hein. Une minute pour être suspendu, c'est assez exceptionnel. La brève était prête. A priori, il y a un mec qui a envoyé un mail à la Ligue pour bien s'assurer qu'il soit suspendu. Pour pas faire une Laurent Fournier. Non, mais c'était annoncé. Non, mais effectivement, c'était un peu le seul mec qui joue au football la saison dernière. Oui, tu dis, c'est mieux, toi, genre, c'est mieux d'avoir, quand t'es sur le radeau de la Méduse, c'est mieux d'avoir un mec qui a une pagaie. Mais. Ouais, mais attention, il va faire le canoë cross. Il a fait 3-4 bons matchs, vraiment. C'est mieux d'avoir un Santos qu'un deuxième Omega. Mais par contre, c'était vraiment par contraste, parce que le reste du milieu de terrain était assez faible. Mais là, comme ils ont baissé le niveau de l'équipe, il va être encore meilleur. Hein. Ouais, je pense. Non, mais voilà. Tout est relatif. Tout est relatif. C'est pas forcément le grand leader technique. Encore une fois, c'est un gamin qui a 20 ans. Il a une saison en D2 brésilienne, mais à D2 brésilienne, il faut voir ce que c'est. Et il a même pas capitaine 20 des Olympiques brésiliens. Oui, ils sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques. Non, mais surtout, il fallait encadrer sa copine pour éviter la pubalgie. Non, non, non, elle est enceinte. Ah, bah c'est bon alors, c'est réglé. Il faut encadrer. Ouais, d'accord. Et en plus, s'il vient là, c'est parce qu'il a fait toute la préparation de Chelsea et finalement, Chelsea n'en veut pas. Oui, oui. Oui, il est revenu des États-Unis. Ils l'ont quand même emmené un peu aux États-Unis, mais bon, il y a des. Ouais, il a fait la photo avec le truc Mickey. Ouais, je vais chercher un peu sur Disney. Sinon, il y a un autre ouais. Prêt, hein. Donc, Caleb. Américain, justement. Un américain, Caleb Wiley. On a déjà vu un américain. Et ça, Caleb. David Régis. Caleb. Ah oui, bon, mais il n'était pas encore américain. Ouais. Ouais, Caleb, c'est un prénom intéressant pour ajouter à notre collection de prénoms de joueurs. Ça, on n'avait pas. Donc, lui arrive à la fin de cette semaine. On perd Jean-Eux, mais on a Caleb. Ouais. Donc, quand sera publié Radio Stoum. À Landry Bonnefoy, oui. Landry Bonnefoy qui va entraîner les gardiennes d'équipe féminine. Ouais. Ça, au niveau prénom. Là, on reprend du bien. Ça, c'est un petit détail. Le type, il entraîne des gonzesses. Landry, c'est pas très loin de Landry. Le retour de Landry. Ça pourrait être une coquille idéale. Hein. Donc voilà pour les arrivées. Ça fait rêver, hein. Non, mais je vois bien Landry, je fais un four, tu vois. C'était le rôle du gérant de moi. Ça avait été fait. Je sais pas si Stéphane Godin a encore le droit d'écrire des articles. Donc Wiley qui a été remplaçant au JO. Ouais. Parce qu'ils avaient de la sélection américaine. Ils avaient un trentenaire à son poste. Ah, ouais, il joue comme ça, dans la KB. Non, en fait, au JO, t'as le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. Ah ouais, mais. Non, c'est pas comme au Racing, justement. Ah oui. Le Racing a peut-être les. C'est vrai. Je pense que le Los Angeles. Si Thierry Henry, on aurait mis la casette devant, on écrasait tout. Ah bah oui, meilleur que l'Euro. Et d'ailleurs, là, ça a commencé. Non. Donc là, finalement, le recrutement qu'on a fait. C'est hyper light. Non, mais enfin, c'est light. Il y a 6 joueurs, là, sur la liste. Mais c'est pour la réserve. Il y a eu beaucoup de partants. Mais la moyenne d'âge, on est à 20 ans. Hein. Attends, c'est qui les 6 à part Diarra, t'as les 3 de 18 ans, Perea, Dion et Lukovic. Ah oui, oui, oui, mais c'est les anciens. Wiley et André Santos. Wiley, je crois qu'il a 2004, ouais, 20 ans. Ah, c'est en 2004. Ouais. Et le 6ème alors Pape Diong, on a parlé. Ah, il a 17 lui. Bah, Diong, Lukovic, non, il a 18. Diong, Lukovic. Diong, Lukovic, André Santos, Perea, Guéladoué. Et... Ah oui, Guéladoué. Ah, Guéladoué. Mais le seul qui a joué un peu en je crois que c'est 2002, il a 22 ans. Oh, ouais. Joueur d'expérience. Ouais, mais c'est ça, joueur d'expérience. Non, mais c'est-à-dire qu'un mec comme Diarra, qui a quand même commencé, grosso modo, il y a 2 ans sa carrière, fait office de plus ancien. C'est le plus expérimenté. Diarra, c'est celui qui a joué le plus de matchs. Il a une soixantaine de matchs, dont la moitié même pas comme titulaire. C'est donc on est à peu près sur ces bases-là. Mais c'est celui qui a le plus dans l'effectif, enfin en dehors de Gilbert, Perrin, ceux qui sont dans le stage, voilà, c'est le plus ancien. Mais s'imaginer qu'on peut réussir comme ça avec un tel projet, ça relève quand même d'une utopie. C'est folle. Hein. Bah, tout dépend de ce que tu appelles réussir. C'est-à-dire que, évidemment, on va prendre des branlées, ça me semble évident. Enfin, c'était Core, Alex, qui parlait d'une 18e place bien tassée au dernier match. Mais en fait, en vrai, eux, ils s'en foutent. Hein. Je veux dire, les gars vont jouer. Un mec comme Doué ou André Santos va peut-être un petit peu tirer son épingle du jeu, sa cote va monter. Fini. Hein. Qu'on descende. Peut-être que c'est mieux pour eux que les jeunes puissent jouer en Ligue 1, mais bon, parce que. Bah, si, j'y crois pas en fait, hein, parce que Ligue 1, Ligue 2, je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Mais surtout que l'écart maintenant de budget, de performance entre Ligue 1 et Ligue 2 va encore se réduire. Parce que les clubs de Ligue 1, ils sont à l'os. Ils vont être paupérisés, ouais. Mais bon, la Ligue 2, c'est aussi. On va finir 18e et on va être repêché parce que Montpellier, Lorient et puis Reims ne redémarreront pas. Lorient est en Ligue 2. Ça dépend. Lorient est en Ligue 2. Parce que, en fait, Montpellier, tout le monde dit ça sur Montpellier. C'est vrai, ils ont une grosse part de leur budget qui est liée aux droits télé. Bon, alors déjà, ça se lisse un petit peu. Mais surtout, en fait, Montpellier, comme ils ont encore une politique sportive à peu près cohérente. Parce que nous, on n'est pas un club de PD. Hein. Ils auront. Pas comme un Nîmes. Ils auront peut-être 2-3 gars à vendre. En fait, nous, le risque qui nous pend au nez et qui va nous rendre encore plus dépendants de notre actionnaire majoritaire. C'est pour vendre des méga au moment où il aura mis. C'est ça, c'est que ces gars-là, en fait, on a pris des mecs qui sont déjà un peu surcotés. Effectivement, les méga étaient un bon exemple. On a misé sur d'autres où il y a vraiment peu de chances qu'ils percent. Donc, effectivement, s'il y en a un ou deux qui percent, c'est très bien pour l'actionnaire. Mais c'est pas ça qui va créer un actif pour le club. Alors que Montpellier, ils ont encore un centre de formation qui tourne, ils ont 2-3 joueurs. En fait, à Montpellier, ils peuvent encore s'en sortir en lissant, en bricolant, en faisant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le foot, un jeune peut pas percer si autour de lui, il y a pas un minimum de joueurs. Mais c'est ce qu'on a dit à la dernière fois aussi. Oui. Vous êtes rétrograde. En fait, il suffit d'un bon entraîneur pour avec des lunettes. Wait and see, les mecs. Wait and see. Mais en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de raisonné. Mais prochain mercato d'hiver. Faut pas oublier que ceux qui pilotent les directeurs sportifs du Racing, ceux qui pilotent la politique sportive du Racing, Leslie Nielsen, c'est les mêmes qui font n'importe quoi à Chelsea. Hein. Oui. Donc on va pas demander de la cohérence. Ils ont 11 gardiens sous contrat pro à Chelsea. Donc, et nous, on en a pas. Hein. Mais c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est juste que c'est. Le 8 ou le 9ème, quand il signe à Chelsea, il se dit pas, merde, j'en ai 8 quand même devant moi. Ça veut dire, enfin, on a un actionnaire qui est milliardaire, ça veut pas dire qu'ils sont intelligents, qu'ils sont clairvoyants. C'est pas parce que t'es bon dans la finance, c'est comme rien, t'es bon en foot, hein. Mais je pense qu'un des mégas, c'est le meilleur exemple. Je pense que tu mets une équipe autour de lui qui tourne. Je pense qu'il met 4-5 buts de plus facile. Et ça, c'est ce qu'on avait dit aussi. Tu gardais un vrai neuf expérimenté à côté de lui. Et Méga, c'était la solution derrière un attaquant déjà en pointe. Enfin, déjà installé, de numéro 1. Et il gagnait progressivement sa place. C'est comme ça que tu fais. C'est pas comme dans le temps où tu balançais un bébé directement dans la piscine pour qu'il nage. Laurent Stewart, c'est ça? Lauren Stewart, ouais, le mais ces gars-là, est-ce qu'ils sont vraiment cons ou est-ce qu'on leur a donné finalement un chèque en blanc et ils se disent ok, je vis ma meilleure vie, je rince mes potes agents et puis dans 2 ans on verra bien. Quoi. Soit ils sont cons. C'était ma question. Il y a un peu ça. Hein. Soit ils sont cons, soit c'est un moyen de faire du fric qu'on comprend pas avec une magouille extraordinaire derrière. Mais pour les copains. Pour vider le club. Ouais, voilà, pour vider le club. Voilà. Soit c'est des génies du foot et c'est le reste du foot qui a pas compris. Du coup, qui s'adapte pas. En les laissant gagner. Je pense que le fait que ce soit des génies du foot, on peut l'exclure, ils ne seraient pas chez nous. Non, mais ça peut être un mélange des deux, hein, par contre. Non, mais pour faire quand même un petit peu le lien avec l'actualité du jour. Finalement, il y avait depuis 2-3 ans là, il y avait énormément d'argent sur les marchés financiers. Il fallait trouver des trucs super risqués pour placer et trouver des rendements un peu meilleurs. Donc le foot, ça paraissait bien. Les Américains sont venus, ils ont déversé plein de fric parce que chez eux, tout était saturé. Apple et autres avaient déjà quintuplé leur valorisation boursière. Donc t'as forcément 2-3 gars qui reniflent la bonne arnaque en se disant « Ah bah tiens, on va pouvoir leur faire bouffer n'importe quoi. » Et je pense qu'effectivement, un mec comme Ekbali, contrairement, enfin, visiblement, c'est lui qui murmure au DNA, et c'est lui la source, la fameuse source anonyme dans le board. Le Anonymous. Mais bon, dans un monde sérieux, ce gars-là, s'il gère effectivement 40 milliards, il a peut-être allé 3 minutes par jour à consacrer au Racing. Donc, tous les détails que nous, on voit, parce que nous, on est des crevards sous-payés. Et que, on est des merdes. Ça lui passe au-dessus, tu vois. Et c'est pas son boulot. C'est pas son boulot. Il est censé payer des gars fiables pour s'en occuper pour lui, mais c'est pas pour autant que de temps en temps, il n'y en a pas un qui essaye de l'enfler. Mais ces mecs fiables, c'est des mecs qu'on fait de ce club de chiottes qui était déjà Chelsea avant, un club encore pire. C'est extraordinaire quand même. Mmh. Pour le coup, ils ont mis du fric à Chelsea. Ils ont dépensé 1 milliard. Il y a plus d'un milliard à dépenser. Mais les gens nous disent toujours wait and see, vous allez voir, il y a un plan, tadadi, dadada. À Chelsea, encore, de toute façon, le plan, c'était Bully, hein. Bully, quand il est arrivé, il faisait office de directeur sportif en quelques temps. Bully, en fait, lui, Stewart et Winston, il avait expliqué même, tout comme disait JP Larkin, tout est dans la presse. Oui. Il a expliqué qu'on faisait des contrats super longs, parce que du coup, on pouvait amortir les joueurs, que les autres étaient contents de pas le faire. Oui. La preuve, c'est qu'après, il y a eu des changements qui se sont faits. La première ligue a voté qu'on pouvait amortir. Le mec, ça fait uniquement des achats en termes financiers. Oui, mais après, l'idée d'amortir, tu fais un ou deux transferts comme ça, quand tu commences à en faire 5, 6. C'est la compta, tu amortis tout. Tu amortis tout sur la durée des contrats. Mais après, c'est ce que disait Strouti. Non, mais c'est comptablement, c'est comme ça que ça marche. Quand t'as un mec qui arrive comme ça, je sais pas, tu peux être un ponte dans ton métier, mais genre, t'arrives à faire de la pâtisserie et tu sais pas, le mec peut te refiler de la merde si tu le trouves sympa et qu'il t'a embobiné. Et qu'il te raconte ce que t'as envie d'entendre, surtout. Aussi, et bah. Les mecs, ils y vont à fond. Genre, ça marche. Tu t'essayes une première fois, et puis t'y vas à fond. Genre, de toute façon, quand il n'y a plus d'argent, il n'y aura plus d'argent, c'est fini. Voilà, donc on prend tout ce qu'on peut. C'est là, enfin, on ne connaît pas non plus tous les dessous de l'histoire, mais dans les commissions d'agents, les trucs, ils doivent se gaver, hein, les Will Stanley. Il y a des renvois d'ascenseurs qui se font dans tous les sens. Ce serait ni les premiers ni les derniers. Donc, ces gars-là, si effectivement ils sont dans le foot depuis longtemps, je pense qu'ils ont flairé la bonne affaire. En fait, pour eux, il n'y a que deux possibilités. C'est un peu pile je gagne, face tu perds. Soit par miracle, ça marche. Et là, ils seront vus comme étant les visionnaires, The Project, machin, tout ça. Soit ça foire, ils auront pris leur bise et ils prendront limite encore un chèque quand ils seront virés. Ouais. C'est un peu les Leroy 2.0. Et en plus, ils ont un club de bouseux dans un coin de l'Est de la France où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme si c'était, on leur avait balancé une belle pile de Duplo, et voilà. Donc ils auraient tort. Ah oui, la construction des Lego, là. Ils auraient tort. Ouais, qui a fait ça. Senior, ouais, non, mais ça, c'est l'atelier vrai, Lego. On l'a oublié, ça. Mais tiens, qu'un truc aussi débile soit mis en avant comme étant un truc positif, ça dit beaucoup de choses. Ouais. Ça dit beaucoup de choses de ce que le management est devenu de manière générale. Tu vois, c'est ambiance. Tu vois le post LinkedIn du gars, je fais des Lego avec mon équipe et ils adorent. Et puis tu vois sa photo en selfie avec tous ces gus derrière qui sont là en train de tenir un Duplo. Enfin, et tout le monde qui like en disant bravo Michel, c'est génial, t'es le super manager. Ah, puis là, c'est manager. Tu vois la nullité de journalistes qui disent genre. Ah ouais, c'est pas con ça. Dis donc, il leur fait faire des. Ça n'a aucun sens. C'est terrible. Je trouve c'est bien les Lego. Oui, mais bien sûr, mais. Mais te vanter de faire des Lego avec ton équipe, quand c'est le bordel que tu démarques dans un club qui a viré son coach en pleine préparation, et tu dis, ah, moi je fais des Lego, il n'y a pas de problème. Quoi. C'est quoi la prochaine étape, Docteur Maboul? On fait un stage. Non, c'était pas évident de faire un boulot. Ah, le crayon était chiant à ce moment-là. Tout dépend, un bon joueur blessé, là, on a eu qui ? On a eu quelques-uns. Le fil à ma boule. Bah, tu as eu Lukovic, j'ai commencé. Ouais, bon, mais bref, qu'est-ce que tu disais ? Le reste de recrutement, ceux qui viennent. Bah, on fait rien, alors. Ceux qui... Alors, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non J'ai une question militaire sur Doucouré, probablement. Je peux la rentrer. Gagner du. Oui, alors. On peut rappeler les faits. Oui, d'abord. Pouvez-vous nous rappeler les faits au sujet de Doucouré? C'est une vraie question? Non. C'est une question de JMR. Christophe. Oh. Oui, bon. Je sais pas. Et alors, sur Doucouré, putain, mais il est très lent ce téléphone. Non, mais il n'y a pas de question sur Doucouré. Ben voilà. Tout le monde s'en fout de Doucouré. Bon, rappel des faits. Rappel ouais. Des faits. Bah, alors, j'ai pas noté la date, pardon, mais. C'est le jour du stage. Non, c'était avant. C'est retour. Non, c'est retour. C'est en fait, c'est retour du stage de d'Autriche. Il avait oublié son doudou dans le bus. Oui. Il avait oublié son doudou dans le bus. Donc en fait, Doucouré à la. Doudou à la reprise. C'était le 22. Non, je sais. Le Doucouré donc à la reprise après la semaine de repos. C'était ça en fait le timing. Ah bah voilà. Il a fait la sieste pendant toute la semaine. Il a joué une semaine et tout. Il s'est dit, j'ai pas envie de retourner au boulot. Donc en fait, oui, Doucouré, donc Vieira s'était fait virer la semaine d'avant. Il décide avec son agent de ne pas participer à l'entraînement parce qu'il veut faire le forcing pour aller à Wolfsburg. Wolfsburg avait déjà fait une offre un an auparavant. Et on revient sur les Volkswagen et les moustaches. Et qui est revenu avec la charge. Change des Valkyries comme les moustaches. C'est électrique du coup. Hein. Et alors, donc en fait, Wolfsburg voulait recruter, Doucouré va au bras de fer, un truc assez classique. Et un truc aussi, ça me revient, il faut aussi revenir à l'interview de ce fameux membre du board de Doucouré anonyme, qui disait que l'objectif c'est de vendre nos pépites, et il parlait de Doucouré et de Diarra, mais de les vendre, mais que à des gros clubs type Manchester City ou Real. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la formulation. Ouais, effectivement. Et donc là, ils sont un peu le cul entre deux chaises, entre d'un côté Doucouré qui fait le forcing pour aller à Wolfsburg, et cette déclaration-là, mais bon, voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi avec Doucouré, c'est qu'il est arrivé en janvier 2022, quand il avait encore 17 ans, enfin, il avait à peine 18 ans, quoi. Il venait d'avoir 18 ans. Et en fait, il n'a jamais revalorisé son salaire depuis. Et il a un des plus petits salaires de l'effectif. Et quand il voit qu'un Silla gagne 145 000 euros par mois... Ça doit faire mal. Bah oui, c'est ça, ça pose question. Donc, t'as ce constat-là, et à côté de ça, t'as une offre de Wolfsburg qui te propose de multiplier ton salaire par 4, 5, 6. Mm-hmm. Mais alors, il y a eu promesse ou il n'y a pas eu promesse? Bah, a priori, il y a eu promesse orale de Marc Keller. Une promesse Marc Keller. Non, mais avant, ça marchait. Mais Keller est bon. Non, mais attends, ça c'est intéressant. Keller est bon, et bon dans l'oral. Si on pourrait s'en concentrer, rester dans l'émission. Tout à fait. En fait, Marc Keller, avant Blouko, je pense qu'une parole, il la tenait. Et donc ça, avant Blouko, il disait, écoute Ismaël. On se met autour de la table. Dans un an, si t'as une offre, on te laissera partir, je te le promets. Sauf qu'entre-temps, t'as Blouko qui est arrivé. Et maintenant, Marc Keller n'est plus le décideur. Écoute Ismaël, je t'ai promis, mais... Non, mais Marc Keller n'est plus le décideur du secteur sportif. Donc Marc Keller a beau avoir promis... C'est plus Marc Keller qui décide. Par contre, des gens qui disent qu'ils méprisent Marc Keller en disant qu'il s'occupe des ramettes de papier. Il a complètement la main mise sur le stock de ramettes de papier. Il fait ce qu'il veut. Il a signature jusqu'à 5 000 euros. Bah, putain, ouais. T'en as besoin pour tes brouillons en classe, ça, pour ta terminale. Allô, Marco. Marc, il t'en fournit, s'en fout, il le prend sur le plan. Mais ça, en fait. Tu veux des cartons pour déménager? Bim, Marc s'en occupe. Mais du coup, on a ce feuilleton, depuis ce moment-là, avec Doucouré qui ne s'entraîne plus, qui est en arrêt maladie, effectivement. Ouais, donc, 10 kilos. Non, mais c'est devenu 6 kilos. Donc en fait, il y a un vrai bras de fer entre. C'est devenu une gueule ébaloué. Il y a un bras de fer entre Doucouré et le Racing. Et maintenant, forcément. Le problème, c'est que si tu ouvres la porte à Doucouré, derrière, tu peux l'ouvrir à Diarra, à Bakoua. Mais en fait, c'est trop tard. Parce que tu vois le fait même qu'on en arrive là, c'est un problème. Et je pense que tu peux absolument pas analyser le cas Doucouré qui se permet de faire ça. Et c'est vraiment une saloperie de ce que le club a fait avec Persic, en fait. Et Gilbert et Perrin. Et Perrin. Enfin, Doucouré, il voit comment le club se comporte. Moi là, une des premières images, à l'époque, j'étais encore bête et optimiste. Une des toutes premières images de Doucouré dont je me souviens, c'est Doucouré qui regarde admiratif et avec des étoiles dans les yeux les adieux de Cassie devant le camp. ça paraît, on a l'impression que c'est genre en noir et blanc. Le président Pompidou a organisé aujourd'hui l'inauguration du mémorial. Non, c'était il y a deux ans. Et en fait, ce gars-là, mais dans le Racing d'avant, mais jamais il se permet cette connerie. Mais parce qu'il a aussi en face de lui un club familial qui se comporte. Alors évidemment, hein, c'était pas les bisounours avant, il y avait des tiraillements, tout ça, il y avait des gens qui baisaient la femme de l'autre et tout, ça arrivait. Mais ça, c'était réglé en famille. Là maintenant, en fait, c'est genre, il n'y a que le pognon qui compte, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et donc, un mec comme Doucouré, il dit oh, écoutez. Vous traitez Persich comme ça, bon, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je me mets en arrêt de maladie jusqu'à ce que vous en ayez marre et que vous signiez le chèque. Et en fait, c'est destructeur. C'est vraiment, mais alors, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Et alors, évidemment, tout n'était pas parfait avant, loin de moi l'idée de dire ça, mais ce genre de truc n'arrivait pas. Tu avais de temps en temps un mec comme Seca qui faisait un caca nerveux parce qu'on avait été méchant avec son pote Marester. C'est caca nerveux. Et voilà, le type passait 5 matchs sur le banc et après on le remettait en arrière gauche pour lui faire la bite. Ok, ça, pourquoi pas. Là maintenant on arrive dans des trucs où, et en fait tout le monde accepte ça, c'est-à-dire ok, c'est normal, le gars vient pas. Mais qui pourrait s'occuper du cas de Courrier. Mais c'est trop tard. Parce que c'est Pascal de Maslak. Liam. Non, Liam, il s'occupe. Voilà, non, il est sportif, il vient d'arriver. Le mec, il va pas rentrer en premier truc, il a autre chose à foutre. Viens, Ismaël, on fait un tour. On fait une tour. Le bateau pirate. Factuellement, c'est Pascal de Maslak, c'est Lorraine Stewart qui vont s'occuper de ce dossier-là. Est-ce que Pascal de Maslak, lui, il n'a pas intérêt à prendre une petite com sur le transfert de Bah, peut-être qu'il va arranger le coup, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il peut faire à part le 500 En fait, ce qui se fait aujourd'hui dans le foot, c'est que tu peux faire des mandats club acheteur, mandat club vendeur et un mandat joueur. Et si tu connais. Allez, tu passes trois fois à la caisse. Mais attends, mais Georges Mendes, il fait ça à chaque fois. Ouais. Mais t'as des agents prête-nom si tu veux pas faire ça propre. Mais tu peux avoir les trois mandats et encaisser trois fois les commissions. Ça se fait sur beaucoup de transferts. Bon, après, le fait qu'ils sont encore sous contrat, nous pourrions, hein, à un moment donné, ça aussi, il faut le dire, parce que, il est jusqu'en sous contrat. Jusqu'en 26. Mais pour le Racing, justement, eux, ils veulent rentrer de l'argent frais. Bah, ils peuvent aussi le vendre. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Comment tu vas le vendre et quelle image tu donnes vis-à-vis des autres joueurs, une très mauvaise image donnée. Mais c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on n'a plus eu ça. C'était qui le dernier joueur qui s'était mis... En grève ? Oui, bon là, il est officiellement en arrêt de grève. Non, mais il n'y a pas Gis. Il n'y a pas Gis, mais moi depuis pas Gis. Pas Gis, c'est vite parti. Ouais, mais il y a eu du caca nerveux avec pas Gis. 48 heures. Caca nerveux, enfin pendant 6 mois, il n'a pas vraiment joué après. Mais je veux dire, oui, pas Gis. Oui, non, mais pas autant. Là, on a quand même passé un cap. On n'a plus l'habitude, après... Je pense que c'est pas un truc qui est. C'est un truc qui arrive dans tous les clubs. Il ne faut pas non plus remettre la faute. C'est un symptomatique de la dégradation de ce qu'était le Racing d'avant. Mais ça se passe dans tous les clubs. Voilà. Non, mais que ça arrive. Effectivement, ça aurait presque pu arriver dans le Racing d'avant. Il y a une embrouille. Tu m'as dit ça. Non, moi, on s'est pas bien compris, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais finalement, ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il y a un tel niveau de bordel et de déréliction morale que jour tout le monde est genre « Ah bah oui, c'est normal, il fait du chantage. » Mais en fait, mais non, en fait, quoi. Il y a deux ans, on se scandalisait quand Jiku faisait sa mauvaise tête pour jouer 6, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi que beaucoup de gens s'en foutent, en fait ? Non, mais moi, c'est ça le pire. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens prennent tous ces événements, parce qu'il y a plusieurs petits événements comme ça qui arrivent, hein, les sessions de l'Ira, etc. Ils les prennent un par un et ils disent « Bon, c'est pas terrible, mais bon, ça passe. » Alors qu'en fait, il faudrait prendre l'accumulation. Jusqu'ici, tout va bien. Si tu regardes la somme de tous ces petits trucs qui sont arrivés depuis le 22 juin 2023, bah putain, Et puis, il faut aussi préciser que l'affaire Doucouré, finalement, elle arrive juste après le licenciement d'Vieira. Ouais. Parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on dit que Doucouré veut partir. Ça, c'est quelque chose. Oui, il y avait une offre de Wolfsburg l'an dernier. En fin de saison, ça a déjà été sous le compte d'une brouille avec Vieira. Oui, mais je veux dire. Et là, quand Vieira part, Doucouré fait le forcing, entre guillemets. Bah, c'est normal, parce que le club est en position de faiblesse. Oui. Il y a une transition, oui. Vu qu'il y a un flou. Mais ça rejoint. Il a trouvé une brèche. Bah, c'est ce que Trottin disait, c'est-à-dire qu'effectivement, ces choses-là dans le Racing il y a même 2-3 ans, à mon avis, ça ne serait jamais arrivé. Si Lorraine partait même pas en vacances. Ah bah oui. Bah lui et Doucouré et son agent, ils sont allés dans les bureaux donc le lundi de la reprise. C'est au moment où il y avait donc Vira a été viré et Roséniand n'était pas encore là. Effectivement, c'était la période de flou. Ils ont profité de la période de... Je sais pas qui expédiait les affaires courantes. Kunz. Bah, Kunz était sur le terrain. Les affaires courantes. Heureusement qu'il était là. Gabriel Attaque. Mais, allez. Non, mais disons que Doucouré aussi, qui était un peu valorisé comme trésor national il y a un an, on le garde, machin, on va... Il était dans le loto du patrimoine de Stéphane. Ah, mais voilà. même le 19 juillet, l'interview du mec de Blueco, du board. Le mec secret. Il était déjà, Il citait Diarra et Doucouré. Voilà, alors comme que valeur... la saison dernière, il a quasiment pas joué, hein, ou peu joué. Non, mal joué. Bien joué, quoi. Ça, c'est oui, voilà. Blessé assez souvent, quand même. Non, mais en tout cas, même si on fait la place aux jeunes, etc., il a une capacité à se montrer, etc., mais lui, il veut... Première chose qu'il veut, c'est de se barrer au plus vite possible de ce merdier. Mais parce qu'il sait qu'il progressera. Il sait qu'il progressera pas dans cette équipe. Ouais, parce qu'il voit aussi que ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Et qu'il a un salaire pourri, et c'est un club de connards. Le mec part à Wolfsburg, personne n'a jamais progressé à Wolfsburg. Non, mais Wolfsburg, c'est un effectif, t'as un effectif où t'as des joueurs de 25-30 ans qui peuvent aussi t'encadrer. Mais sportivement, c'est plus intéressant. Ah, mais Gilles Vogui est devenu la légende de Wolfsburg alors que c'était pas un joueur. Mais, formidable. C'est intéressant, je t'ai entendu prononcer le mot sportif. Ah, le quoi? On ne parle pas assez du sport au Racing. On va dire, mais Radio Stoum ne parle pas assez du sport. C'est pas vrai. On peut parler des recrutements quand même. Des futurs recrues. Non, on s'en fout. Bon, moi, on parle des matchs en coupe, dommage. Il a un scoop. Et après, on tease. Ah, après, d'accord. Non, mais là maintenant on parle un petit peu des matchs amicaux, ça va être très vite réglé. Oui, c'est de la merde. Voilà. Le tout premier contre Wolfsburg. Non, Munich 1860, le premier. Ah, Charles d'ailleurs. Ouais, pas du. C'était si. Vindisch-Gartel. On n'en a pas gagné un, le match de préparation. Non, depuis combien de temps on avait pas... À l'époque, on mettait toujours 15-0 à une entente régionale, tu sais. Bah, des fois, c'était bien de se mettre une entente régionale pour le truc. Pour démarrer, ouais. Et Montpellier non plus. On peut les faire dans l'ordre. Oui, alors, comme tu Munich. Oui. Enfin, je sais pas. Munich. Parce que j'ai pas tout vu. Alors, Munich, après, c'est la Pologne. Donc, Munich 1860, le 4 juillet, on perd 2-1. C'était bien. Avec un très beau but de Wautro. Très beau but de Patrick Wautro, oui. Ah, petit rouleau, ouais. Lui, il va pas montrer aux enfants. Hein. Mais, Putain. Je cherchais un truc, mais okay, Myriam Badawi. Tu m'as doublé par la droite. Ah, donc, ouais. On a perdu contre une des trois allemandes. C'était. Mais laquelle? Donc, c'était. Quelle division allemande? C'était un match de reprise, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, on a joué. Ils étaient en avance sur notre préparation. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours quand on perd. Le terrain était lourd et les sangliers avaient mangé des coups. Exactement. Mais l'état d'esprit était bon. Et donc ensuite, 5 jours. Vous avez fait un gros bloc de travail. S'il vous plaît, on essaie d'avancer. Le sportif. 5 jours plus tard, on joue contre les Autrichiens de Wolfsberger. Donc là, des 4 Autrichiens. Non, première division autrichienne. Zakaria Sanogo, ancien du Racing, tout à fait. Du Crément, ça s'arrose. Et ancien club de Valérien Ismaël, si je ne m'abuse. Qui avait coaché avant le LASK. Ah non, il était au LASK. Ouais, je sais plus. Bon, je pas avancer. On fait 0-0, match nul. On perd 0-0. On fait un match atroce. On est prêt pour la vie autrichienne. Qui est dans les buts? Dreyer. Clean sheet. Ouais. Dans son dernier match. Et par contre, clean sheet, ça sera pas le cas du match suivant. Parce que celui-ci, on l'a plutôt vu. Ouais. On a perdu 4-0 contre Fenerbahçe. Contre José Mourinho et Alexander Djikou. Moi aussi, je regardais le Tour de France sur là et j'ai vu 4-0 Racing. Je regarde le Tour de France tous les jours. Je me suis dit 4-0 Racing, ah, la fin du match, putain, bon. C'est à la mi-temps, j'apprends 4-0 à la mi-temps. Et en 10 minutes, on se prend 3 buts. Non, on fait le match nul en deuxième mi-temps, quand même. Allez, on fait comme si c'était 0-0, les gars. On repart et on peut gagner ce match. On va gagner la deuxième mi-temps. Et donc là, sur ce match, effectivement, il y a Dreyer qui n'est pas forcément très, très rassurant sur les buts qu'on prend. Heureusement qu'on a Rissé. Non, je vais défendre Rissé tout à l'heure. C'est bien, c'est ça. Mais ouais, donc c'est le dernier match de Patrick Vieira d'ailleurs. C'était un désastre. Ouais. J'ai vu la deuxième mi-temps, justement. J'ai tenté. Et par contre. Finir contre Mourinho, c'est bien. Ouais, c'est beau. Donc en fait, ça concluait notre stage en Autriche. Et c'est là où on a eu cette fameuse semaine de congé, qui est une première dans l'histoire du Racing. C'était du monde, à mon avis. Du monde. Ah, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Allez, on est en plein préparation. Allez, c'est bon. Allez, vous faites des magnos. En fait, c'était une semaine de télétravail. On n'avait pas compris. Et donc, je me fous de savoir ce que tu fais. Je me fous de savoir à quelle heure tu pars. Je te fais confiance. Je suis ton manager. Prends ton télétravail. Et donc après cette semaine de congé, la nomination de Rosenior, et ben on se fait un match à 15 roues. Ah génial. Je sais pas si quelqu'un y était. Si. Non, moi j'y étais. Ah bah voilà, Guigas reportage. Et on avait joué 15 roues la saison dernière déjà. On a perdu 3-0. On avait perdu 3-0, on s'était dit alors on n'est pas prêt. Et ben cette année on perd 4-1. Donc on est pas on progresse, je pense. Enfin, but à l'extérieur. But à l'extérieur. Contre double. Bah pareil, hein, pas grand chose, Risser des erreurs. Mais là pareil, on perd pas la deuxième mi-temps, je crois qu'il y a 0-3 à la mi-temps. Ouais, 0-3 à la mi-temps, mi-temps. Et on revient à 3 en plus. Ah, ouais, on menait à la deuxième mi-temps. C'est Silla qui marque. Super oui, Silla. Et il change tout le monde à la 60e. Dans mes souvenirs. Ouais, il fait une revue. Là, j'étais déjà. Alors, je prends le relais. Bon, c'est les matchs à la télé. C'est les matchs amicaux, oui, il fait une revue. Et on prend pas de but, comme quoi le banc. On a critiqué le banc, bloqueux, tout ça. Mais c'est vrai. Non, c'est un beau banc, et à la 60e, il fait sortir tout le monde. Mais du coup, notre bilan face à l'Allemagne est digne de la Ligue. Attention, parce qu'il y avait l'Allemagne et l'Autriche, là, c'est tendance. Ouais, c'est plus facile à perforer qu'à Pologne. Donc, sur le match de Karlsruhe, c'est le premier match de Rosenior, enfin, il est arrivé deux jours avant, donc c'est compliqué de tirer les conclusions. C'est difficile de lui imputer ça. Mais on a quand même vu. La seule conclusion qu'il y a à prendre, c'est que Rosenior s'est rendu compte que son effectif n'était pas au niveau. Non, mais il a quand même tenté quelques petites innovations tactiques. Il y avait ce fameux positionnement Gilbert un peu particulier qui se réaxait en phase offensive qui devenait le terrain. Oui, il a lu le mode d'emploi du Lego technique à l'envers. Quoi. Bah, c'est censé être une moissonneuse batteuse et de la transformer en pelleteuse. Quoi. Ah, c'est la tactique de Zerbi. C'est, hein, c'est la nouvelle mode. Ouais, oui, c'est la mode. Ça pour mettre sur le bon coin 3 jours après. Ouais, c'est ça. À peine servi. Un petit peu de. Soyez concentrés. On parle tactique là. Mais justement, j'ai parlé d'aller dans Max. Je crois. Attends. Non, mais après, il n'y a plus pas grand chose à dire là-dessus. Bon, à chaque fois qu'on perdait cette idée d'avoir Gilbert en renfort au milieu pour avoir un surnombre ou quoi, ou faire monter les offensives Diarra, Nzingula, on se faisait transpercer. C'est tellement. Voilà, dès qu'on perd le ballon parce qu'on n'arrivait pas à franchir la ligne médiane, on perd le ballon. Et les Allemands, ils ont un dispositif rudimentaire, normal. Ils foncent par là, les Ardennes, et hop, on avance. Et Risser, sachant qu'on parle de Karlsruhe en plus. Ça n'a jamais été des foudres. Mais Karlsruhe qui est un bon outsider pour la montée en Bundesliga. Par exemple, ils ont fait une bonne fin de saison l'année dernière et ils ont gagné leur premier match, c'est tout. Mais... Ouais, mais ils seront à la lutte. Ils vont s'écrouler. Ils vont finir entre 5 et 7. Ils vont s'écrouler quand le Racing commencera à gagner. Ça a toujours été ça. Ouais, les gens. Donc ils vont pas s'écrouler. Ouais, peut-être. Non, mais bon. Est-ce que la bière était vraiment gratuite à Karlsruhe? Vraie question. Non, on n'a pas vu. Ah. Non, on a pris des bières. Ouais, c'est vrai, il y avait ces histoires-là, pas trop. Non, je n'avais pas eu de bière gratuite. Après, on est resté plus longtemps à sympathiser avec les supporters de Karlsruhe en buvant des Aperol Spritz. Des Aperol Spritz. Là, comme au Havre. Sans alcool. Là, au Havre, il y avait des Aperol Spritz offerts par la vieille garde. Ouais, voilà. C'est le nouveau truc chez les supporters. C'est carrément des bourgeois, la vieille garde. C'est pas bourgeois, c'est juste des mecs qui sont partis en vacances en Italie. Ils ont découvert. Non, mais c'était quand même un peu le néant, parce qu'on ne savait pas si c'était plutôt l'héritage de Patoche ou un avant-goût de Lyon. C'était le viager. Ouais, c'était vraiment la transition, quoi. C'était avant le partage de la lecture du testament, quoi. On ne savait pas vraiment. Ouais, quand tu mets les gommettes sur le meuble de mamie pour dire. Ça, c'est pour moi. La soupière, elle est pour moi. Et donc, il reste encore un match amical, je crois. Deux, même. Ah, bah oui, le double match amical contre Fribourg. Et là, on a un envoyé spécial. Et là, JP Darki a tout vu, donc c'est lui qui va en parler. J'ai vu trois mi-temps sur les quatre. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Depuis la corbeille journaliste de la tribune d'honneur, donc face à l'autoroute, pour ceux qui visualisent. Mm-hmm. Juste derrière la famille Adjong, très sympathique. Véridique, hein. La famille Dion, hyper sympathique, trois personnes, avec un maillot 17 Bayern de Munich. Bon. Et comme il porte 17. Exactement. Donc, et on les a reconnus parce que quand il a mis un but, alors là j'anticipe déjà, quand il a mis son but, ils se sont tous, les trois, se sont levés comme des dingues en criant Dion. Très sympa, vraiment hyper sympa. Bon alors, le match Fribourg. Donc deux matchs. Le premier. Le premier avec une équipe peut-être type. Oui, c'est ce qu'ils étaient pensés. Mais on ne sait pas trop parce que il y a eu quand même Santos dans la deuxième équipe. Mais il venait d'arriver. Voilà, exactement. Et il y avait Tidiane Diallo dans la première équipe. Exactement. Et Rosenior, on l'a beaucoup vu, beaucoup parlé à ses joueurs. Par quelle langue ? Alors, difficile de dire de là où j'étais, mais beaucoup de. Le langage du véridique, football. Par contre, il tape très, très, très fort dans les mains. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'entendait du haut de. C'est comme les athlètes avant de sauter le saut en longueur, il fait. Voilà, exactement. Il faisait du clapping, peut-être pour rentrer dans les mains. Donc, grosse communication de Rosenior en permanence avec ses joueurs. Et sur ce premier match, donc, un positionnement tactique qui, moi, m'a surpris, parce que je ne suis pas au fait des innovations de De Zerbi et compagnie. C'est-à-dire qu'on était censé avoir quatre défenseurs, avec Delaine à gauche, Silla de son bon côté cette fois-ci, Sow, Doué. Oui. Et effectivement, Doué, Sow, Silla restaient, alors ils montaient, mais ils restaient sur la ligne de défense. Delaine au niveau de la ligne médiane, du début à la fin. Et Tidiane Diallo, du coup, très bon match, beaucoup plus dans l'axe, au lieu de jouer un rôle de Bakwa de gauche, par exemple. Oui. Et donc de gauche. Oui, quoi à gauche. Quoi front populaire. Voilà. Et donc sinon, au départ, c'était un peu dur, je dois dire. On voit que les Fribourgeois, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme mix d'équipe. Je ne connais pas les mecs. C'était un mélange entre les deux. Voilà. Mais on sent qu'ils jouent ensemble. On a l'impression qu'ils jouent ensemble plus. Donc le premier quart d'heure, on était inquiet. Et puis réellement, c'est moi qui peut-être dans l'euphorie, mais j'ai vraiment eu l'impression que on commençait à trouver des bons patterns, comment dire en français, des bons motifs, des schémas, merci, des bons schémas de circulation de balle. En particulier, Bakwa a été hyper actif sur son côté. À peu près tout est venu de lui, parce que Delaine. et donc, on a pu assister comme ça en première mi-temps à un but de Doué. Oui, décalage d'Emega. Exactement, avec Emega en PD. Et en passe décisive. Exactement. Et un deuxième but d'Emega. Pas Pascal Ducros. Un deuxième but d'Emega comme un attaquant. C'est-à-dire. Quoi, il y a un but d'Emega. Ah, ouais, Emega marqué le deuxième but. D'Emega qui suivait un mouvement collectif, un truc. Une récupération de Manga, une passe de Saï. Ouais. Exactement, il y a un truc, on se dit, bah, mais c'est du foot. C'est le projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors, moi, évidemment, choc anaphylactique, hein, le sport, je suis plus habitué. C'est le football de contrôle, de possession et de. Je sais pas, d'intensité offensive. Ouais. Alors, ça reste un match amical contre une équipe semi-1, semi-2 Fribourg. Mais alors après, donc je retiendrai Diallo, moi que je connaissais très peu, très actif, qui surtout, quand on le regarde, quand il n'a pas la balle, le jeu sans ballon, demande la balle en permanence. Mais il forme le Racing, il sait ça. Ouais, et donc tu vois que Delaine avait toujours une possibilité avec lui qu'il n'exploitait pas. Mais Diallo, de temps en temps, il lui a fait la passe. Maintenant, les dangers, Risser, c'est quand même lui qui fait une mauvaise relance. Mais on lui a demandé de faire des relances courtes. Oui, mais c'est le jeu de Rosenior, il faisait ça à elle. Il sait pas faire. Non, mais c'est le nouveau dogme. Il sait faire. C'est les nouveaux dogmes et je comprends pas qu'on veuille imposer ça alors que ça va te mettre en difficulté. Ah, mais là, c'est. Non, mais il faut attendre, faut passer combien de buts encaissés à la con pour qu'on arrête ça. Mais il maîtrise ça, vraiment. Enfin, la réserve des équipes de jeunes du Racing joue comme ça. Ouais, mais c'est contre Poiré-Survie et. Pas avec la même intensité. Oui, mais justement. Trois amateurs. Mais c'est ce que je veux dire. C'est que dans le niveau des équipes de jeunes, et même en National 3, et je sais, à Dijon, je pense pas qu'il faisait comme ça, mais il était habitué depuis qu'il est formé au Racing à jouer comme ça. Sauf que. En U19, t'as pas un attaquant allemand de 25-30 ans qui te met une charge à l'épaule et qui marque. Exactement. C'est cette bascule qu'il faut qu'il réussisse à faire. Exactement. Et c'est pour ça que c'est compliqué de pousser un gamin de 20 ans tout de suite titulaire numéro 1 de la Racing. En plus, dans un collectif qui a pas de certitude et où il est entouré de gamins qui sont à peine plus vieux que lui. Et en revanche, juste pour les aspects positifs de Risser, et après je m'arrête. Par contre, là où on voit, c'est de la qualité intrinsèque de gardien. C'est que sur la ligne, par contre, parce qu'il est en deuxième mi-temps, il fait des arrêts, il fait un double arrêt sur une occasion de dingue. Et là, on voit qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement bon. Ouais. Mais par contre, dans notre organisation avec la défense, ça déconne complètement. Mais parce que aussi en défense, t'as pas un mec devant, un leader. Moi, j'aurais expérimenté un Lucas Perrin, par exemple, qui peut le rassurer, qui peut s'il sent que parfois il est en difficulté, qui lui dit écoute, ce coup-ci tu balances, là, il va pas oser le faire. Parce qu'il est obéi au conseil du coach. Mais j'en suis persuadé que c'est pas lui rendre service que de le mettre titulaire. Bien sûr que non. Mais pas plus que Belarouche, hein, finalement. C'est pareil. C'est on va le brûler. Enfin, comme bien sûr. Mais c'est le risque effectif. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qu'on va cramer. Mais peu importe, on les crame, on les fout à la poubelle et on en met d'autres. Qui vient derrière, il ouais, mais je pense que suffit que l'autre derrière il perce, bah voilà, t'as gagné. Dommage, moi j'aurais bien aimé cramer Méga déjà. Mais je pense que gardien, c'est encore à part. Parce que c'est quand même des postes. Alors, pas avec plus de responsabilité, mais il n'y a personne derrière, quoi, le gardien, s'il fait une connerie. Ouais. Donc ça, c'était le premier match. Ah. Je voulais dire plus au premier match, après je peux vous parler de ce que j'ai vu du deuxième. Mais... Vas-y, vas-y. Non, non, t'as vu. Personne n'a vu le match. Donc Ah oui, personne n'a vu le match, tu peux inventer. En fait, 8-0 hein, pour la Racing, donc finalement, sur ce premier match, génial. Il y a des poulpes qui ont débarqué du Cécile. C'est dingue. Non, 2-1, hein, donc 2-2. Et donc le deuxième, le deuxième match des remplaçants. Ok, ah oui, pardon, il y a eu très peu de changements au premier match. Il y a Candu pour info. Quoi. Il y a Candil. Un Fernandez qui est rentré aussi en fin de match. Exactement. Sur de Delaine. Exactement, et Candil qui est rentré. Ouais. Plutôt donc, joueur de QPR selon la rumeur. Mais... Bon, ok, mais ceci dit, ah oui, mais ceci dit, Candil, une impression pas si mauvaise, pour être honnête. Pas délirante, mais pas si mauvaise. Je me dis, ouais, bon, ok. Et pareil, vraiment, encore une fois, je le répète, mais ça fait plaisir de voir ça. Un Rosenior et son assistant, je ne sais pas lequel, hein, des assistants, qui sont en communication permanente avec les joueurs. Ils sont facilement identifiables. Un très grand monsieur de couleur noire. Ah bah c'est Khalifa Cissé. Merci. Donc Khalifa Cissé, qui... Quel traducteur d'ailleurs. Ah bah c'est pour ça, qui n'arrêtait pas de parler aux joueurs, et en particulier... C'est le Zoumana Kamara. Rosenior parlait beaucoup à Delaine, qui n'écoute absolument rien, mais aux autres aussi. Et il y a aussi... Pourtant, ils parlent en français. Et dans le deuxième match, il y a eu, alors je sais plus, pendant la première mi-temps, je sais plus lequel, il y a un joueur qui a fait, il me semble que c'est au premier match, qui a fait l'inverse, qui est venu carrément vers eux pendant un arrêt de jeu, et c'était clair qu'il leur disait, ouais, moi j'ai l'impression que ceci, cela, parce qu'il parlait de ceci. C'est du management participatif. Mais oui, mais voilà. Oui. Mais n'empêche que ça fait une très bonne impression. Ça fait une très bonne impression à un naïf comme moi. On se dit, ah, peut-être qu'en l'espace de 10 jours, le Rosenior a sucré une atmosphère, peut-être c'est la lune de miel. Non, hein. Non, mais c'est du classique. C'est des joueurs qui disent leur ressenti, ça arrive régulièrement. Bah moi, moi, naïf, en tout cas, j'ai trouvé ça très beau, moi, romantique du foot que je suis. Deuxième match, tous les remplaçants. Patrick en attaque. Toutou au but. Ryan Tutu. Oui. Très bonne impression de Ryan Tutu. Le Racing. Ben, ce qu'il a eu à faire, il l'a fait d'emblée. Il y a une balle à sortir sous la barre en reculant. Il la sort, il n'est pas pris au piège. Alors qu'il y a le soleil plus ou moins. Enfin, c'est vraiment pas facile. Il le fait. Une bonne impression d'ensemble. Par exemple, des mecs expérimentés comme Sobol et Fila. Mais c'est terrible. Fila jouait dans l'axe, quoi. Défenseur central. Ouais, il y avait Senaya à droite. Senaya capitaine à droite. Ouais. Sobol à gauche. Fila était dans l'axe. Et c'est lui où sommes. Non, c'est Sobol qui donne un penalty très rapidement au mec d'en face. Mais Sobol fait une passe décisive pour Dyong. Il se rattrape. Oui, très beau. Ça, je l'ai lu. Très propre. Très propre. Donc, c'est un coup franc. Suite à un coup franc sur la gauche. La tête de Dyong, superbe. Vraiment très bien, mais à part ça, on est passé la ligne une seule autre fois pendant les 45 minutes que j'ai vu. Les mecs de Fribourg, super bien organisés, on n'arrivait pas à sortir, c'était horrible. Et Oscar Pereira qui a joué ce match là, tu en pensais quoi? Parce qu'il a payé 5 millions. Oui, on a payé 5 millions. Bah, je le blâmerai pas sur ce que j'ai vu, encore une fois, j'ai vu que 40 minutes, inexistant pour moi. J'exagère à peine. Non, mais il faudrait voir les stats. Quelqu'un a dû les noter quelque part de ballon touché. Non, personne n'a vu le match. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Wotoro qui rate. Wotoro qui fait des contrôles monstrueux. En tout cas, il était peut-être pas en forme sur ce match, mais des contrôles à 20 mètres. Ah non, mais ça, c'est. Il faisait pas avec la réserve anglaise. Moi, je trouve aucun talent à ce match. Voilà. Bah écoute, je confirme. Je suis totalement d'accord. On me dit dans l'oreillette. Qu'il faut faire le procès de l'outro. Ouais, il faut refaire le procès de l'outro. Donc, de retour sur glace. Donc, attends, un petit bilan. Ouais, petit bilan. Ouais, c'est la merde, rapide. Bilan rapide. Les matchs amicaux, en gros, c'est de la merde, mais. Il reste Pancho Gadbar. Voilà. Et Liam Rosenior, ou Liam. Si on continue de voir un progrès par rapport à Karlsruhe, la différence qu'on a vue par rapport à Fribourg, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend. Qui perdra que par deux buts d'écart à Montpellier. Non, Montpellier, on perd, c'est sûr, mais peut-être que vers janvier-février, avec des renforts, il y a moyen de faire quelque chose. On fera le bilan après le mercato d'hiver. J'ai envie de dire. À chaque fois. J'ai envie de dire wait and see. Largement avant. J'ai envie de dire wait and see. On me dit que ça fait quand même déjà. Oui, mais juste 30 secondes, parce que on peut parler des rumeurs d'arrivée. Allez. Ah oui. Il y avait cette fameuse rumeur Gonçalo Borges, pardon, du FC Porto, où le Racing était prêt à mettre 8 millions d'euros sur lui, et les droits du FC Porto. Mm-hmm. Et a priori, c'est mort, le joueur veut rester là-bas, étonnamment. Il ne veut pas venir. Je crois qu'il a même déjà joué un match officiel. Il a déjà joué son Super Coupe du Portugal. Ah, donc le FC Porto compte sur lui. Il ne veut pas faire des matchs amicaux contre Fribourg 2. Et donc, a priori, le Racing cherche quand même un ou deux joueurs offensifs. Un milieu et un attaquant. Je crois milieu offensif. Milieu offensif, 9,5, un ailier. Un gardien. Le gardien. Standard de match 16. Le gardien se pose la question, parce qu'après, qu'est-ce que tu fais de Risser et de Bellarouche? Et je pense qu'il y aura sûrement un défenseur central aussi, parce que si tu perds Doucouré, si tu perds Perrin, il te reste Sceaux, il te reste Silla, il te reste Bazeilla. Tu peux recruter Perrin, en fait. Expliquer que c'est lui la recrue, en fait. Perrin qui a 21 ans. On ne comptait plus sur lui, mais il est revenu. C'est Julien Perrin, qui a 40 ans. Alors, donc voilà, en termes de recrutement, on verra la prochaine fois. Merci. Abi Diallo. Je ne sais pas quoi en penser. Rumeur contre feu. Franchement, c'est invention. Ça sent la fuite dans du Racing pour rassurer le bon peuple. La grosse ficelle. Donc, on ne va pas faire des questions Minitel, mais on va remercier les gens qui ont posé. Si, la question Minitel de Pipo, quand même. Alors, mais d'abord la quiz. Non, dans la question de Pipo. Ok, Pipo de Stubb, qui nous a demandé le 31 juillet à 12h18, je voudrais bien une rubrique sexo dans Radio Stubb avec des tests psycho. Après tout, c'est l'été. L'extase, oui, mais avec qui? Alors, le gendre idéal bien propre qui vous donnera une illusion du romantisme comme Marco. Le petit inventif pervers à la Jafar. Ça, c'est excellent. Le sugar daddy blindé à la Iqbali. Le rigolo replay à la Vélaire. Ou le morse à la Pascal Jean. Il en faut. Ça, c'est les kinks, quoi. Vraiment les trucs un peu. Donc, allez, vite fait. Janin, Vélaire. Alors, moustache Janin, gros bide Vélaire. Sugar daddy Iqbali. Pervers, inventif. On dirait pas. Le morse. Allez, Pipo. Ouais, quoique Vélaire, quand même, il y a. Le replay. Parce que Vélaire, il est un peu sugar daddy aussi. Mais c'est la nécrophilie, là. Ouais, tout à fait. Après, c'est la zoophilie avec. Ouais. Et si vous êtes obligé de choisir, on va la poser aussi. Batavus. Oui, j'adore cette question. Parmi les présidents, donc le 2 août, parmi les présidents propriétaires suivants, vous prenez qui pour le Racing? Keller et Blouko, Longoria et Macour, John Textor, Valdemar Quita, Gérard Lopez et Peter Lim. Peter Lim, c'est le mec de Valence. Ouais, celui qui a ruiné, qui était aussi cadeau à tout le monde. Là, c'est pas la peste et le choléra, c'est la peste, le choléra, la ch'touille, les trois ensemble. C'est ça, les cavaliers de l'apocalypse. Je sais pas. Eva Longoria, il est encore pas mal. Valdemar Quita. Ouais, non. Non, mais c'est franchement, c'est pas comme Bocardi. John Textor, il est plus marrant, non? C'est un ancien champion de skate. Il y avait une vie. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas gaufré, là. Il a voulu en refaire il y a pas très longtemps, là. Oui. Et il s'est pété la gueule. Il avait un super niveau. Il connaît Tonio. Il a deux doigts d'avoir. Ils ont fait des compètes. C'est bon, quoi. Non, mais sérieux, ils ont fait des compètes ensemble. Il était à un très bon niveau, John Textor. Eh ouais, mais rigole pas. Et après, il finit. Marc Keller, il a connu Véronique Alloubry. Ce qui est terrible avec tous ces mecs-là, c'est qu'ils ont, pour la plupart, ils ont niqué des clubs, mais ils en reprennent d'autres, en fait. T'es pas de soucis. Gérard Lopez, ça c'est vraiment le maître. Gérard Lopez, mais Textor aussi, hein. Il a pas franchement réussi. Hein. Il a pas encore coulé de club. Valdemar, ça fait 15 ans qu'il essaye, mais il y arrive mais pas. Mais moi, je prends Valdemar Quita. Hein. Ah ouais? Okay. Franchement, ça c'est parce que tu veux te faire des implants, c'est tout. Non, c'est un autre business qui fait. Botox. Bon, donc du coup, je pense qu'on a répondu à la question de Samash. Est-ce que Keller se rend réellement compte que son club ne ressemble plus à rien? Non. Non, il s'en rend pas compte. Ah si, moi je pense que si. Toi, tu l'as rencontré IRL, mais moi je pense que le gars est dans un niveau de déni. Ah oui, non, mais c'est ce que je dis. Il s'en rend pas compte, il dénie. Ça, c'était avant Patrick. Bon, ça fait quelques mois que je l'ai vu. Hein. Ok. Mais il se. Ouais, non, il est. Bah, je pense que quand son badge est plus passé à l'entrée de la maison, il s'est quand même rendu compte que. Bon, et puis. J'attends la théorie du glaive et du bouclier. Qu'est-ce que c'est que ça? La théorie du glaive et du bouclier, tu connais pas? Non. C'est la ligne de défense d'Izorni pour le maréchal Pétain, c'était que pendant que De Gaulle. Ah, pardon, oui, alors oui, c'est bon, oui, on va le dire ça, tu vois. Oui, non, bien sûr, j'étais pas dans le contexte. Que Keller protégeait le Racing contre les méchants américains. Moi j'étais en 4-3-2, enfin 4-4-2, pardon, asymétrique. Moi j'étais en juin 40. Oui, c'est ça. Bon, et je sais pas s'il est dans le déni ou s'il a pas le choix finalement, parce que sa mission c'est quoi aujourd'hui? Bah, c'est de vendre la soupe. Voilà. Donc, est-ce qu'il doit pas continuer à jouer un peu ce. Est-ce qu'il nous prendrait pas pour des cons? Le quiz. Et, voilà. Mais juste, on peut citer Alexco, parce que c'est quand même notre. Et c'est très court. Alexco, notre confrère. Alexco. Sur Twitter. Il m'a posé trois, mais on va en poser qu'une. Est-ce que les wait and see, donc les gens qui prônent le wait and see, alors qui veut dire attendre et voir, ont terminé leur période d'observation? Non. En fait, par définition, le wait and see ne s'arrêtera jamais. Il n'y a que du wait. Ouais. En fait, mais j'ai le sentiment qu'il y en a de moins en moins. C'est toujours repoussé. Non, quoi. Mais c'est honnêtement, toujours repoussé. Non, mais d'un point de vue philosophique, le wait and see, si tu réfléchis vraiment au concept en lui-même, ne peut pas s'arrêter. Ouais. Il y aura toujours une ligne d'horizon. C'est un peu l'optimisme. Il y aura toujours quelque chose plus loin qui te fait dire que. Tu vois, c'est un peu comme la chanson Don't Worry Be Happy, le gars, on lui saisit sa maison, sa femme se barre, et je fais, non, mais c'est bon, je t'en ai plus. Je marche. Tu sais, on a tous eu le poisson, là, qui faisait, et tout. Et en fait, c'est exactement ça. Par définition, à partir du moment où t'es rentré dans cette douceur ouatée du wait and see, il y aura toujours quelque chose plus loin qui te dit que ça pourrait aller mieux. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on a quand même de moins en moins. Mais ça existera toujours. Il y en a de plus en plus qui ouvrent les yeux, donc ils peuvent si ce qui se passe. Très bien. Voilà. Quiz. Allez, c'est parti. Puisqu'on a parlé, je vais faire donc très vite au vu de la durée de cette formidable émission. Puisque la période dorée, du coup, a commencé, on va dire, en 2011-2012 jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, je voudrais, du coup, tous les buteurs. qui ont un minima mis deux buts. Mais je n'ai pas mis ceux qui ont mis un seul but. C'était la même chose la dernière fois, t'avais trois buts. Non, là c'est deux. Là c'est deux, c'est pas pareil. C'est, deux, et c'est sur 10 ans, 11 ans. On ça n'a aucun rapport. 68 ans. En cette période de Jeux Olympiques de 100 mètres. Bon. Ah là, il faut ça ne jouera pas à la photo finish, je pense. Ok. Bon. Qui commence? Le premier à 7 noms, à ma gauche à tort, tu commences. Alexandre Gisselbrecht. Ça va être pour un checker, 68 ans. Oui, c'est ton premier. Oui, c'est juste 4 buts, effectivement. Ouais. Effectivement. Là, je fais dans l'ordre. Toute compétition confondue. Oui, toute compétition confondue. Julien Perrin, il a été cité avant, c'est de la triche, mais Julien Perrin, on a mis quelques-uns. Hein. Et on a mis 20. David Lely, deuxième meilleur buteur, effectivement. C'est... Ça fait un. C'est qui le premier? C'est le premier. Je pourrais Ernest Sekai. Ernest Sekai, évidemment. Sekai a marqué. Je peux avoir un peu de bière, s'il vous plaît, pour le. Lui n'a pas marqué. Blayak. Sekai, Blayak, bonne réponse. On souhaite des années. Alors, attends. Saïdou Sou, le premier. Saïdou Sou, lequel? Celui de CFL. Le vrai, l'unique. Avec Tréma ou ça? Sans Tréma. C'est une bonne réponse aussi. C'est pointu là. Thomas Martin, c'est une bonne réponse aussi. On va être bon ce soir. Hein. Je vais des trucs faciles. Dimitri Yénard. Dimitri Yénard. Moi, je grille tous les trucs. Comme ça, les mecs, ils trouvent les noms de dames. Ouais. Je grille tous les faciles. Baptiste Guillaume, bonne réponse. Kenny Lala, c'est une très très bonne réponse également. J'ai pas noté. Lala, effectivement. Il est là. Stéphane Bauken, c'est une bonne réponse aussi. Baukwetch. Anthony Cassi, deux buts. Ça doit changer. Ouais, juste. Hein. Ouais. C'est juste. Amiens et PSG. Ils font chier le cut. Martin Terrier, très très bonne réponse. On parlait de griller des fastoches. Je dirais Habib Diallo. Diallo, ouais. Ah bah. C'est presque facile, c'est trop facile ça. Vous avez du coup les trois premiers. Ah non, vous avez le deuxième, troisième, le quatrième, ouais, et cinquième. Le premier, je peux le sortir. Le premier. Ah, je l'ai. Anthony Siki. Déjà dit. C'est... Non, non, non, c'est Cassie. Ah, pardon. Ah, il n'est pas premier, Anthony Siki, ouais, mais il est dans le classement. Oui, il est pas monsieur. Alors, merde. Du coup, Ludovic Ajorc. Ludovic Ajorc, mais oui, évidemment. On fait quatre bonnes réponses. Alexandre Mendy. Ça va se jouer un peu. Alexandre Mendy, mais oui, bien sûr qu'il est dans un truc comme ça, 6 buts exactement. Adrien Thomasson. Adrien Thomasson, mais oui. On voit quand même les rats qui s'y fait premier. Là, on les connaît. C'est toi qui as démené. JP Barki pour égaliser à 4 bonnes réponses. C'est un sans faute pour le moment. Ouais, ouais. C'est chaud ce que vous me demandez en fait maintenant. Ah non, ça. Tous les gens du Racing, il y en a eu beaucoup. Hein, ça faut le savoir. Ça a créé pas mal de joueurs. Chaque match, il y avait 11 joueurs au minimum. Il faut aller vite. Ouais, il faut aller vite, c'est bien. Et j'ai peur de dire un qu'on a déjà dit. Ça peut être logique. Ouais, Thomasson l'a déjà dit. Bon. Thomasson l'a déjà dit. Ouais. Mais tu savais quoi là, je me posais la question. Je pose la question. On l'a pas dit. Si, on l'a dit. Ah ouais. Je viens de le dire. Ah, c'est toi. Ah, je suis là en plus. Non, juste avant. Attends, faut suivre. Ouais, mais c'est ça qui est dur, faut suivre. Je sais pas, Donzelot. Il est préparateur physique, hein. Peut-être qu'il arrivera. Ouais, mais tant pis. Deux joueurs préparés physiquement. Mais... Denis Bonga. Denis Bonga, très très bonne réponse, effectivement. C'est au moins 2 buts. Au moins 2 buts. Robin Van Der. Robin Van Der. Ah si. Si. Iser, Jura Sud. Iser, Jura Sud, mais il est dedans. Je les ai vus, les deux. Il est dedans, effectivement. Il est dedans, mais oui. Il a 4 buts, même. Si hein, il a marqué un national aussi. Oui. Pardon. Nuno da Costa. Ah, mais je l'ai essayé. Nuno da Costa, mais oui, effectivement. Donc, quoi, 5-5, 4 les autres. Mais Gigas peut égaliser à 5, là. Je suis dans une... Enfin, 3 pour JP Darky, du coup. Mais... Ah, mais je suis pas éliminé. Je vois, c'est par points. T'es pas éliminé? Ah, ouais, j'ai juste moins de points. C'est le premier à 7. J'ai juste moins de points. Faut que ça pute. Putain, j'ai un joueur, mais je ne rappelle plus son nom. Donc, je ne vais pas le dire. Tant que Ludovic Goliard. Ouais, très bonne réponse, ah ouais. 7 buts effectivement. 7 buts, mais j'aurais. Un de moins que Saïd Lousseau avec lui. Donc j'ai le droit de dire un nom. Voilà, t'as le droit de dire un nom. Putain, comment il s'appelle ce con. Lyon, Rennes. Il a déjà été dit. C'est moi en plus. Hein. Je crois que c'est moi qui l'ai dit. Je ne sais pas. Je suis paralysé, je ne sais pas. JP. Jeunesse. Martin. Il a mis les buts. Il faudrait reconnaître le site. Yann Bénédic. Yann Bénédic, très bonne réponse. Autant de buts que JM. Ibrahima Sissoko. Ah oui. Ibrahima Sissoko, bien entendu. Ibrahima Sissoko, je crois qu'il en a mis 4. 5. Ou plus que ça, ouais. 5 même. C'est deux ou un jeu. C'est bien mieux à toi de jouer. Pour aller en. Donc 6 bonnes réponses. Il monte toujours le premier buteur, on l'a mis, on l'a deuxième. Là, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, et le onzième, par exemple. Et le quinzième, le 17e, le 18e. J'ai un truc au hasard, mais je vais dire Gauthier Pinault. Gauthier Pinault, c'est une bonne réponse. Gauthier Pinault, il a 5 buts, c'est très bien. Ouais, merci les amateurs. Tu vas Salmier, bonne réponse, hein, effectivement. Salmier est dedans. 2 buts seulement, mais dedans, ouais, dedans, ouais, pour faire. Kevin Gamero. Kevin Gamero, effectivement. 10e meilleur buteur. Donc, récapitulons les scores. Tout le monde a 6, sauf JP Darky qui est à 5. À tort, pour aller te qualifier pour la finale. Sébastien Ribas. Sébastien Ribas, bonne réponse, 5 buts. Tu es le premier en finale et peut-être que tu peux gagner, hein, si. À côté, ça ne répond pas juste. Mort subite. Jean-Regner Bellegarde. Jean-Regner Bellegarde. Sur la saison dernière. C'est tellement facile. En fait, compris la technique, il faut prendre les joueurs qui sont partis. Je trouve qu'il est également qualifié pour le tour final. Gigas. Je vais tenter un truc fou. Ah ouais, pour la médaille. Je vais dire Éric Marester. Non. Attendez. Non, il va sortir. Il y a un mec que vous avez pas dit. Ouais, j'en ai un aussi. JP Darky, t'es éliminé, mais pour le beau jeu, tu peux faire ton tour. Non, t'as encore des points. Tu m'as pas te qualifier pour la finale. Ah, mais du coup, je vais enlever parce qu'il y en a. Tu peux y aller pour la beauté. Pour la beauté, pour finir ton tour. Les gars. Ah merde, c'est bon alors, tu vois, tout le monde éliminé. Pas de regret. Oui, c'était avant la Kittel pour te qualifier pour la grande finale avec tes coéquipiers. Mon joueur favori de toute la période, Sanjin Perisic. Perisic, bonne réponse, 4 buts. Donc en finale, Hathor, Strootim et Kittel. Hathor, allez. Donc là maintenant, c'est mort suivi. Hein. Un qui se trompe, l'autre qui réussit. Le troisième qui loupe, c'est fini. Ladislas Dunyama. Ladislas Dunyama, c'est une bonne réponse. En fait, c'est Dunyama, c'est tout Dunyama. Mais Gigas aussi est qualifié. J'ai le décision. Non, c'est bon. On respecte les règles. Nous, on n'est pas comme beaucoup. Ouais. Strootim. Stéphane Mitrovic. Stéphane Mitrovic, très très bonne réponse. 4 buts également. Ah bah du coup. Kittel. Du coup, pour pas être éliminé là. Anthony Gonzalez. Anthony Gonzalez, 7 buts, bonne réponse. On repart pour tout. Benjamin Gengini. Benjamin Gengini, c'est une très bonne réponse, 13 buts hein, quand même. Strootim. Ce stress. Ouais, c'est vraiment ça. Il manque le 8ème meilleur buteur. Qui a au passage gagné un titre avec le Racing, mais je m'arrêterai là. Lebo Motiba. Les deux Motiba, ils étaient juste derrière, 17 buts, c'est une bonne réponse, mais c'est pas lui, donc je t'en réveille. Fofana. Fofana. Il y en a plein. Lequel ? Mais Fofana est bien dedans. 4 buts également. Strootim. Milovan Sikimic. Oui. Milovan Sikimic, ton dernier mot ? Oui. Bonne réponse, 3 buts. Strootim, ils sont bons en ce soir. 1 but pour l'éternité à Mélouse. À Mélouse, oui. 10, 11, 12, hein, putain, ouais. Jérémy Grimm. Jérémy Grimm, très bonne réponse. Ah ouais. C'est l'homme très plus. Quittel. Je commence à coincer aussi. Voilà. Et il en reste pas mal, hein, quand même. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Franchement, tu peux en trouver 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 22, 5. La pression. Kader Morgan. Kader Morgan, 2 buts. Oh, seulement, mais c'est pas, ça passe. Comme pour en vrai, c'est quoi Abdelak Belhammer. Abdelak Belhammer, 5 buts, c'est une bonne réponse. Je crois que Jean-Eudes Aoulou. Jean-Eudes Aoulou. C'est tellement évident quand tu joues. C'est le final. France-US en fleuré masculin par équipe. Ah putain. Ah oui, qu'est-ce que ça donne? Je crois que l'équipe de France perd. Hein. Ouais. 1-0 pour l'Egypte. Hein. Ah, Ousni, il est pas dedans. Hein. Non, Ousni, non. Kittel, 5, 4, 3. Il en reste. Hein. Lamine Koné. Lamine. Benjamin Cornier. Il a mis 2 buts. 3 buts. Il en a mis 3. Pablo Martinez. Pablo Martinez, bonne réponse, 3 buts. Kittel, ça revient toujours plus vite. Je suis très inquiet. Je suis en train de lâcher là dans la côte de la butte. Voilà, mais lui, il a dû mettre un but. 5. Il en manque. Ouais. Jean-Philippe Sabot. Il joue dans notre esprit. Très très bonne réponse, Jean-Philippe Sabot. Il est là, 7 buts. Hein. Idriss Saadi, 5 buts. Très bonne réponse. Strootim, tenez bon, j'entends pas. Résonne encore. Ne pas citer le joueur préféré d'un Shtoubi, ça quand même. Alors il joue. Je savais. Benjamin Cornier pour. Benjamin Cornier a déjà été cité. Oui, pour Boulian et Persich pour Kittel. Il y a un problème. Ouais. Comment il s'appelait ce con de Lorrain là, qu'on avait recruté en national, là, qui avait joué à Colmar. Ah bah je l'ai, merci, tu me le donnes. Putain. Pas sûr qu'il a marqué. Ouais, il a marqué au moins 2 buts. Ouais. Peut-être même que 2 buts. Ah, moi j'en ai un par contre. Mais pas loin. Mais. Robert Pierre. Mais ça ralentit là. Putain. Moi, genre, et je pense que c'est celui que tout le monde pense. Je trottine 5. 4. Il a réagi ton choix. Ouais, j'essaye. 3. 2. Noguera. Noguera. Je sais pas s'il a marqué là. Il a une frappe de pupille. Aïe, à la San Ndiaye. À la San Ndiaye. Isan Sako. Mais oui, c'est le Kittel à toi. Frédéric Marquez. Ah, mais oui, c'est lui. Attends. Vincent Granic. Alors, on arrive vers les pépites. C'est 3 buts. On arrive vers les pépites là. Moi, je pense qu'il y a un joueur que personne n'a cité. Et c'est une honte. Ah oui, je pense. L'émission dure 3 heures. Felipe Saad, 3 buts également. Je suis très quitte. Stéphane Neuro, 6 buts. Très très bonne réponse. Mais après, peut-être qu'on en reste plus des masses. Ben Shenan, très très bonne réponse. Oh là là, 5 là, buts. Là. Attends. Je vais garder celui-là. Il est fort. Pose une question. Oh putain. Il en reste. Ouais. Alors, le GOAT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste mon joueur préféré, notamment. 12, il y a de quoi faire une équipe de foot. Ouais, c'est bon. Complètement, partout. Ah, 5, 4, 3, 2, 1. Bakary Koné. Mais non, il est pas dedans. Kittel, si tu réponds juste, tu peux gagner, sinon ça repart. Je l'ai perdu là. Ah oui. Petit giveaway. C'est vrai, je l'ai perdu. Ah, il est tard là. Billy Modeste. Oui, Billy Modeste. Mais vous n'aviez pas Boutaïb. Oh mais Jérémy Blayac. Zoï, c'est qu'un avait été. C'est ton joueur. Majid Waris, quand même, bon joueur. Jiku, on en a parlé dans cette émission. Y'a pas Saï. Amofa. Saï, oui. Oui, je cherchais sa période. Brian. Koulibaly, le seul joueur qui joue encore au Racing. Diarra. Oui, Abid. Diarra. Il a marqué avant le rachat. C'était la question que je me posais. Oui, il est arrivé. Bah, à 3. Saï a juste mis un but. Contre le PSG, il est pas dedans. Ouais. Chahiri, Chahiri. Et un joueur qu'on n'aurait jamais dû lâcher, Omar Pouille. J'ai hésité parce que quand il y avait Douniama, il y avait le duo Pouille-Douniama. Ouais. Et Zerbini aussi. Oui, Thomas Zerbini. Deux Zerbini. Abdoulaye Koulibaly, j'en ai parlé. Le but à Clermont. Grenoble. Décisif. Voilà, en tout cas, c'était un beau quiz. Une émission fleuve. Voilà. Et on n'a pas parlé de tout. Le Racing est un long fleuve tranquille. On va couper parce que sinon, là, on est hors podcast. Ouais. Il y a Apple, avant de perdre tout leur promo, ils vont nous couper. Bah, c'est bon, le fait, il aura tout pris. Donc, on n'aura pas eu les scoops pour les signatures. Si, il a dit. Non, trop tard. Prochaine émission. Ça vous a plu. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. Et surtout, n'oubliez pas. Allez, Racing! Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace. On sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing. Du saucisson, l'odeur des vestiaires et notre passion.